7 d'ailleurs, qui est l'un des premiers clubs à avoir gagné le championnat de France. Je venais, ça faisait un an que j'avais passé mon BE, puis je m'étais dit, ok, let's go, je vais aller au Canada, je vais aller travailler au Canada, je vais aller vivre au Canada, puis je veux essayer de vivre, je vais essayer d'aller vivre avec le foot, je veux vivre du foot. On estime qu'à un moment donné, ben, tu fais payer le jeune, puis tu fais payer le parent, puis le fait que le jeune, ben, que le parent paye par rapport à l'envie de voir son jeune progresser, ben, certains jeunes, peut-être à un moment donné, commencer à avoir, je dirais pas une certaine lassitude, mais... Deuxième épisode, deuxième personne qui m'a fait confiance, deuxième personne qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, deuxième échange qui sera un petit peu plus long d'ailleurs. Donc pour les initiés, je vous déconseille de vous faire le podcast en une seule traite, n'hésitez pas à entrecouper entre moments entre famille et entre moments entre vous-même et ce podcast. Monsieur Anthony de Lyon, je ne le présenterai pas une nouvelle fois, il le fera beaucoup mieux que moi. Cependant, je peux vous spoiler un petit peu l'épisode et vous mentionner que nous aborderons notamment certains sujets concernant le football, le voyage, notamment entre la France, le sud de la France, l'Hérault, le Canada, une nouvelle fois, la création d'une académie de football, la formation du jeune footballeur. J'espère une nouvelle fois que vous prendrez autant de plaisir à écouter que moi et je vous souhaite une excellente écoute. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que quelqu'un vous tende la main. Bon, sounds good, tu sembles prêt? Ouais. T'as de quoi manger, t'as de quoi te rassasier? Bref, non, manger là, je retournerai en bas là si j'ai faim là, mais pour l'instant, j'ai bien mangé tout à l'heure. Parfait. Apparemment, ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec Maxime, on avait eu quelques échos et tout, mais là, ça semble fonctionner parfaitement directement. Il n'y a aucun problème, parce que forcément, comme c'était la première, l'autre fois, on avait eu des petits problèmes pour démarrer. Là, il ne semble absolument pas y en avoir. Eh bien, je vais la jouer comme avec Maxime. Anthony, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, je t'invite librement à te présenter en sachant que ben, pour l'instant, il n'y a personne qui l'écoute ce podcast, mais j'ose espérer qu'il y en aura au moins une personne ou deux qui vont l'écouter. Et si jamais des personnes qui ne te connaissent pas, ou même si des personnes te connaissent mais qui ne savent pas vraiment qui tu es, ce que tu fais, comment tu te présenterais? Bah, Thomas, déjà, dans un premier temps, merci. Là, c'est un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi. Puis, regarde, on va espérer pour toi aussi que plusieurs personnes l'écoutent. Je me présenterai vraiment comme un voyageur dans un premier temps, hein, un voyageur. J'ai aujourd'hui 34 ans. J'ai passé ma vie à voyager un petit peu à droite à gauche. Donc, je dirais vraiment, parce qu'il est assez voyageur, mais aujourd'hui, au Canada et au Québec, depuis 8 ans, on est bien installé. Puis, si on peut essayer de faire notre vie ici, on va essayer de continuer à pouvoir vivre correctement tout en faisant notre passion et ce qu'on aime et ce que j'aime. Donc, aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Je sais pas. Ok, ça me semble pas mal. Forcément, ça rentre exactement dans le cadre dans lequel je veux amener ce podcast, c'est-à-dire le voyage à travers les rencontres, à travers le football, et comment trouver un équilibre entre quand on voyage, quand on est passionné de rencontres, de football, comment on trouve un équilibre dans son parcours. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir si tu serais capable de me dire les prémices au niveau du football. D'où est-ce que ça vient? Comment ça a commencé? Un petit peu brièvement, comment tout a démarré, hein, que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'éducateur et après en tant qu'entraîneur. Ouais. Déjà, un, dans un premier temps, le fait d'être né dans un pays de soccer, qui est la France, je pense que... Parce qu'au Canada, on dit soccer, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact, pardon. Ouais. Le fait d'être né dans un pays de foot, qui est la France, je pense qu'automatiquement, on est avec cette passion, puis après, soit on la développe ou pas. Et évidemment, ben, moi, de mon côté, j'ai développé comme beaucoup de Français. J'ai commencé à jouer dans un petit club de quartier, comme un petit peu tout le monde, je pense. Dans un petit club de quartier, où j'allais à pied avec mes chaussures à la main, puis dans mon sac à dos. Puis au fil du temps, je me suis investi. Je me suis investi dans le club, je me suis investi, mais en tant que joueur déjà, j'ai joué beaucoup de temps, disons peut-être quoi, au moins une quinzaine d'années dans ce club. Dans le même club. Dans le même club. Ok, ouais. D'accord. On cite des noms ou non, on dit rien. On cite pas de noms. Bon, bien sûr, dans un petit club de quartier à Montpellier. Moi, je suis né à 7. Je suis né à 7. Okay. La ville de Georges Brassens. Mais c'est bon ça. Juste pour faire une petite parenthèse, je suis juste né à 7, mais j'ai toujours vécu à Montpellier. Ma mère étant sétoise, elle voulait que je sois né à 7, mais alors qu'on habitait à Montpellier. On a juste fait un petit aller. Juste ma mère a fait un aller-retour. On habitait Montpellier pour que je puisse naître à 7 et après revenir. Et après revenir à Montpellier. Mais on vivait à Montpellier. 7, d'ailleurs, qui est l'un des premiers clubs à avoir gagné le championnat de France en 1903 ou 1904. Exact. Ouais, non, bien joué. Ouais, le premier club à gagner le championnat de France, c'était Marseille. Le deuxième, c'était le FC 7, qui aujourd'hui sont peut-être proches de remonter en Détroit, d'ailleurs. Et donc à Montpellier, un petit club qui s'appelle Saint-Martin-Gazélec. Saint-Martin-Gazélec, où j'ai joué à peu près une quinzaine d'années. Puis je me suis investi petit à petit donc en tant que joueur. Puis après... Beaucoup de Gazélec dans le sud. Hein. Ouais, pas mal de Gazélec. La SPTT aussi. Hein, ouais. T'es capable de l'expliquer également. Ça ? Pourquoi Gazélec, SPTT, contrairement à part hein, au nord de la France ou... Ouais, c'est ça. C'était moi. Je pense que c'est plus les grosses entreprises là qui étaient là, qui lançaient un petit peu. Qui lançaient un petit peu les clubs là, puis essayaient de faire plusieurs groupes. Après, ça ressemblait à des groupes à payer. Surtout la SPTT. Ouais, exact. Le sport, il y a pas que seulement le soccer dans des clubs de la SPTT. T'avais un petit peu tout. T'avais du vélo, t'avais du hand, du judo. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est ça. Les PTT là qui faisaient ça, puis ouais, d'un groupe d'entreprise. Et puis un jour, j'ai le président du club et un coach qui ont besoin de personnes pour les aider. T'as quel âge à ce moment-là ? Chez les petits, moi, à cet âge, j'ai 17 ans. D'accord. Moi, j'ai 17 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Hein, et donc, il demande un petit peu. Dans l'équipe senior, là, ou dans l'équipe, non pas l'équipe senior, l'équipe de jeunes, là, U18, U19 à l'époque, U19, et en Benjamin, division 3, en Benjamin à l'époque, là, qui est maintenant du U13, Benjamin division 3, puis j'avais accepté, puis j'étais avec un ami, puis petit à petit, on a commencé avec des Benjamins, ensuite avec des plus petits, avec des U9. Puis c'est quelque chose que j'ai apprécié, puis on a continué à donner un coup de main, puis à se former avec le temps. À ce moment-là, tu es étudiant, tu fais ça le week-end, en soirée, tu passes des diplômes, pas nécessairement. Ouais, donc là, je suis en études, en bac en comptabilité. C'est à trois fois par semaine. Ouais, quand même. Gros investissement quand même. Pardon ? Investissement quand même. Il y a un certain investissement. Ouais, il y a quand même un investissement avec du deux fois par semaine avec un match chaque week-end là. T'es bénévole là à ce moment-là ? Ouais, là je suis bénévole à ce moment-là. D'accord. Ouais. Aucune rémunération. J'ai pas souvenir de ça, par exemple, mais il me semble pas, non. D'accord. Il me semble pas. C'est pour dire à quel point les choses ont changé, hein. Ouais, les choses n'ont pas changé, comme tu dis. Non, je dis les choses évoluent justement. Le regard qu'on pouvait avoir sur le bénévolat maintenant, contrairement à ce qu'il pouvait être avant. Ouais, mais c'était un peu sarcastique ce que je disais, parce que j'aimerais voir, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai quitté la France aussi, donc j'aimerais voir dans les petits clubs, ou même dans les clubs, je dirais moyens, dans les équipes, comme moi j'avais commencé à l'époque en U13 division 3, est-ce que même actuellement en 2019, les coachs sont rémunérés? Ouais, c'est une bonne question. Je ne suis pas certain. Ouais. Okay. Je veux pas m'avancer non plus, mais. Ouais. Moi, j'aurais eu tendance à penser l'inverse, que justement, j'aurais du mal à voir des jeunes maintenant, 17, 18, 19 ans, avoir le temps, l'énergie et l'intérêt ou la motivation d'œuvrer, de donner de son temps complètement bénévolement, sans dédommagement. Mais c'est vrai que. Ouais, excuse-moi. Non, parce que je me souviens, parce que quand on avait commencé, moi, comme je dis, à 17 ans, j'avais eu quand même un espèce de petite, pas rémunération, mais je veux dire indirect, dans le fait que le club et via l'administrateur m'avait payé la formation de BAFA. Ah, ok, d'accord. À l'âge de 17 ans. Excellent. Mon brevet d'aptitude en fonction d'animateur. D'ailleurs, je pense que le BAFA là, doit avoir une nouvelle appellation là, aujourd'hui. Mais donc, c'est ça. Donc, j'avais, grâce un petit peu aussi à mon bénévolat, j'avais eu droit à cette rémunération qui, à l'époque, c'était peut-être quand même entre 400 et 600 euros la formation. Donc, c'était quand même la bienvenue par rapport à cette fameuse rémunération, si tu veux, exactement, indirecte. Ouais. Sur ton parcours de formation. Excuse-moi. Non, je dis, ouais, c'est ça. Durant ton parcours, c'est un accompagnement pour t'aider à la formation. Exact. Tellement à la formation, parce que ce BAFA, après moi, m'a permis, je dirais que mon départ a été vraiment ici, pour moi, au niveau de la naissance, entre guillemets, de ce cheminement et de ce parcours-là, c'est le BAFA. Le BAFA, ça m'a permis d'ensuite travailler pendant 4-5 ans avec des jeunes dans des colonies ou dans des centres aérés et de me former plus ou moins en même temps à chaque été avec les jeunes. Puis, ça m'a permis aussi de découvrir que depuis l'âge de 17 ans et jusqu'à aujourd'hui, maintenant à 34, les gamins, c'est extraordinaire. Les gamins, c'est extraordinaire. C'est fou. C'est marrant que tu dises ça, parce que effectivement, j'ai tendance à souvent dire ça également. Et ça me surprend pas que tu dises ça, et je partage tellement ce sentiment, mais j'aimerais bien que tu étayes maintenant. J'avoue que maintenant que tu en parles. Ouais. Écoute, comme je disais, donc, quand j'ai commencé à faire ça à l'âge de 17 ans dans des colonies, moi c'était mes premières expériences aussi en colonie, où tu pars comme ça, tu vas vivre comme deux mois et demi dans une espèce de chalet où tu as quasiment 150 jeunes avec des animateurs, avec des équipes, avec des responsables d'animation et autres, avec toutes sortes d'activités et animations. Puis là tu vis comme 7 jours sur 7 avec les gamins, puis les gamins, c'est comme je disais un peu leur naturel, leur façon d'être, leur amour, leur naïveté, l'innocence. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'innocence, beaucoup de d'amour qui te donne beaucoup de, quand je dis beaucoup d'amour, mais je veux dire qu'ils te donnent beaucoup de choses, ils t'apprennent beaucoup de choses. Non, ça a été pour moi toute une expérience qui, aujourd'hui, même encore, je kiffe tellement travailler encore avec les enfants. On parle aussi bien des enfants dans l'animation que dans l'encadrement durant les séances de foot. Ouais. Tellement, c'est là où je fais le rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lâché un petit peu tout ce qui est le côté vraiment animation, puis les jeunes à aujourd'hui. aussi bien les petits, là, je parle de 5 ans jusqu'à 12 ans. Du coup, on est sur 17, 20 ans, tu te formes, tu fais de l'animation, tu fais les entraînements. À ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, tu commences à prendre le goût à l'entraînement et tu commences à passer des diplômes. Exactement. Puis on prend goût. On prend goût avec les jeunes, on prend goût avec le club, on prend goût avec les personnes et le président qui est plus ou moins a été une espèce de mentor pour moi aussi, si je peux dire ça. Mon président, une personne vraiment, vraiment une très très bonne personne avec qui le club a vraiment avancé. Et ensuite, on commence à se former tranquillement. Donc, l'initiateur 1, l'initiateur 2, il y avait quoi après l'initiateur 3, puis l'animateur senior. Exact, exact. Puis ensuite, là, je me dis non, je veux continuer à me former, je veux continuer à avancer. Puis si on peut, grâce au sport et grâce au foot, pouvoir faire quelque chose d'intéressant, ben, pourquoi pas. Donc, je continue. Puis là, je passe mon BE. Je passe mon BE, j'ai quoi? J'ai 23 ans. Je passe mon BE 23 ans à Montpellier, sur à peu près sur quoi, sur 12 semaines. À ce moment, tu entraînes quelle équipe? C'est quoi ton investissement dans un club? C'est quoi ton rôle? C'est quoi tes missions dans un club? Ouais, donc là, mon rôle, je dirais en tant que coach, là, c'est j'ai les U15 DH, donc au niveau du coaching. Puis après, au niveau du club, je suis plus, je dirais, un représentant. Du groupe technique du club, en fait, si tu veux. On était deux, trois à s'occuper un petit peu de la responsabilité technique du club et un petit peu mon rôle là-dedans, surtout au niveau de la pré-formation. Donc, c'était plus ou moins le rôle que j'avais. Et donc, on passe ce BE avec quelques anciens joueurs professionnels que je pourrais plus te dire aujourd'hui le nom. Je m'en souviens pas plus que ça. Je sais qu'on avait un gardien, un ancien gardien de l'AS Monaco et de Marseille, mais vraiment là ça remonte assez loin. Et un gardien et un autre gardien qui avait joué quasiment fait toute sa carrière en Angleterre, en division 2 et en division 3. Et là aussi, c'était pas mal d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup d'anecdotes, d'histoires, de personnes qui sont avec toi. Et d'ailleurs, on en reviendra plus tard. Puis je m'en souviens encore une fois. Je me souviens sur un sujet que j'avais travaillé avec un partenaire qui était création de club. Ah, ouais, effectivement. Qui était création de club. Donc, je me souviens, on avait fait... Notre projet était de créer un club. On s'était mis toutes les tâches et tous les objectifs. Je dirais, quand je parle d'objectifs administratifs, sportifs et autres, au niveau de la création de ce club-là. Ok. On y reviendra plus tard. Comme tu le sais, c'est le sujet principal qui m'intéresse te concernant. Néanmoins, je n'avais pas eu écho de ce propos-là, mais je suis quand même curieux de pousser un peu la réflexion tant que c'est chaud. Là, t'as quel âge et pourquoi penser à la création d'un club et avec qui? Tu parles de actuellement là? Non, tu dis à l'époque déjà, tu avais déjà. En fait, c'était un sujet qu'on avait avec un collègue là. On avait un. Je ne sais plus si c'était sujet libre ou si c'était des sujets qu'on avait tirés. Je me souviens plus. C'était en formation. Exactement. Ouais, lors de la formation. Ah, d'accord. Ok. Lors de la formation du BE, en fait, du brevet d'état. D'accord. Donc, je ne sais plus si c'était, comme je te dis, un tirage qu'on avait eu ou si c'était quelque chose qu'on avait choisi. Il me semble que c'était sûrement un tirage. Je pense que c'était un tirage. D'accord. Et tu fais le lien, d'accord. Et c'était déjà une réflexion que tu avais, mais en tout cas, tu n'avais pas forcément le souhait de créer un club lorsque tu étais dans le sud. Tu étais dans ton club, tu étais bien. Non. D'accord. Non, j'avais pas d'intérêt, mais bon, c'était on a dû piger ce thème-là. Puis on avait créé tout un club, on avait créé un quartier justement. C'est ça là, dans 23 ans, donc c'est-à-dire à peu près 11 ans, il y avait un quartier à Montpellier qui venait de naître, qui a aujourd'hui peut-être 40 à 50 000 personnes, alors qu'il y a 11 ans, c'était comme, t'avais peut-être 2-3 000 personnes, et on avait choisi justement ce secteur-là. Okay. Pour ceux qui connaîtront le secteur Odysseum à Montpellier, parce que t'en as beaucoup qui vont nous écouter là. On ne peut pas s'empêcher de faire des dédicaces dans le sud. C'est ça, quelques dédicaces là à certains qui habitent à l'Odysseum là. Et on avait choisi ce secteur justement parce que c'était un secteur qui était en développement. Ok, dis-moi, parce que c'est quand même on reviendra sur le sujet de la création de club parce que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse énormément. Il y a aussi un truc, c'est le parcours de l'entraîneur et l'entraîneur qui va voyager, mais justement, est-ce que tu pourrais, tu parles d'un poste, tu te formes, t'es U15, t'es sur des U15 DH, donc on se doute que t'es pas arrivé là tout de suite, il y a quand même eu beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, mais en rentrant un petit peu plus dans les détails, notamment sur l'expérience U15 DH, si tu pouvais partager un peu plus en détail peut-être sur les souvenirs que tu as, peut-être les premières... les premiers souvenirs, les premières méthodes que tu mets en place, les premiers, la première méthodologie que tu mets en place, le premier modèle d'entraînement, les premiers, comment dire, peut-être les premières difficultés aussi que tu as, ça ressemble à quoi une saison dans le sud, est-ce que tu vois une différence entre le sud et le nord, et éventuellement si, ce sera ma dernière question, elle est un peu large, mais là tu as la liberté de pouvoir un peu aller où tu le sens. Et aussi la dernière, c'est est-ce que tu vois des différences entre la façon dont tu entraînais un petit peu à l'époque et maintenant, mais surtout comment toi tu entraînais, tu encadrais, tu formais les joueurs à l'époque? Ouais, déjà, c'est beaucoup de questions là, je ne les ai pas toutes retenues, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr que je ne suis pas arrivé de suite là, en U15 DH là. Juste avant aussi d'être en U15, j'avais pendant 3 ans, j'ai eu des U13, pareil au plus haut niveau dans la région de l'Hérault. U13, là on est en foot à 11 ou foot à 9? Non, on est foot à 9. Foot à 9. Ouais, là on est foot à 9. Et ben en 3 ans, j'ai cette équipe là et une équipe vraiment vraiment bourrée de talent. Ou un petit peu, c'est ça, je me forme un petit peu au niveau de ces U13, on apprend un petit peu, puis c'est là où je commence à être un petit peu, je dirais, tout seul, ou c'est ça, j'ai un espèce de gérant qui est avec moi, mais qui m'aide dans la communication, mais vraiment. Qui t'aide à faire la touche, j'imagine. Ouais, c'est ça, là, ouais, qui t'aide à faire la touche, mais vraiment après au niveau de la planification des séances et autres, là je suis livré à moi-même, donc là j'apprends pas mal là-dessus. Puis tu dois respecter une programmation du club ou pas nécessairement? Si on essaie plus ou moins de respecter une programmation du club. D'accord. Mais ensuite ce qui est intéressant là, juste au niveau de, je vais juste parler un petit peu de l'équipe aussi, puis c'est là que tu vois que qu'il y a beaucoup de talent dans les équipes de jeunes. Et peut-être qu'à un moment donné, on n'arrive peut-être pas à bien les encadrer ou autre, mais Antoine Rabillard, qui était un joueur assez correct, qui était dans mon groupe, a signé professionnel avec l'Olympique de Marseille, il y a de ça peut-être 4 ans, je pense, puis qui a joué ensuite à Béziers en Division 2. Qu'il est parti un petit peu plus du côté de l'Europe de l'Est, qui était un garçon qui était, je dirais, bon, mais qui n'était pas le meilleur. Qui n'était pas le meilleur et qui avait décidé avec ses parents de laisser passer le train, entre guillemets, avec le Montpellier Hérault. Montpellier Hérault était venu nous voir, était venu voir les parents pour que le jeune vienne. Puis ils avaient voulu, ils avaient laissé passer. Ils avaient laissé passer, ils disaient non, on va rester encore un petit peu. avec le club, avec le coach, avec les joueurs qui sont ici. Puis on verra plus tard. Peut-être que le train repassera. Puis finalement, pour lui, le train est repassé. Mais comme je dis, il y avait quelques joueurs qui étaient dans cette équipe-là qui étaient bien meilleurs que lui, aussi bien techniquement que mentalement. Bien, bien meilleur que lui. Mais sauf que mentalement, il était. Mentalement, il a progressé au fil du temps et au fil des années. Puis il a réussi. Donc tout ça aussi, ça a été quelque chose d'assez intéressant pour moi à vivre. Après, lui, il est parti à Béziers. Il est parti à Béziers plus tard. Il n'est même pas allé à Montpellier. Béziers, qui n'est pas très loin de Montpellier. Donc, il est parti là-bas. Puis il a monté les échelons petit à petit. Puis après, il est allé à Marseille. Et après c'est U13, ben j'ai pendant à peu près 5 ans d'affilée avec les U15 avec un autre coach. Là, on était deux en U15 où on mettait une planification en place. Puis on est resté en DH dans Division Honneur durant chaque année. On a beau essayer de monter en excellence par chez nous là. Mais on n'a pas réussi. La division supérieure, c'était excellent. C'était pas les nationaux, non, les fédéraux. C'était excellent. D'accord. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Chez nous, t'avais quoi? T'avais division 3, 2, 1. Après, t'avais la division d'honneur. Après, t'avais la division excellence à l'époque, hein, évidemment. Puis après, d'accord. t'avais les nationaux ou fédéraux. D'accord, ok. Là, vous êtes deux à ce moment-là. Deux coachs, un assistant, un coach, ou vous êtes deux coachs sur l'équipe? Ouais, non, on est deux coachs. On est deux coachs, là, puis on gère ça ensemble. C'est votre souhait de collaborer ensemble? Ouais. Puis j'aime cette collaboration-là avec Thierry. Parce qu'il y avait deux profils, c'est quoi? Un profil plus défensif, plus offensif, un profil plus technique, plus tactique, un profil plus paternaliste et un profil plus proche des joueurs. Il y avait une complémentarité, j'espère, dans le profil, j'imagine. Ouais, exactement. T'as pas mal bien résumé ça. Quelqu'un que tu dis un peu paternaliste, moi qui étais un petit peu plus jeune, un petit peu plus proche, t'es jeune, un aspect beaucoup plus défensif et moi un peu plus offensif. Puis c'est ça, un peu, il y a un autre un peu plus, je te dirais, tactique et l'autre un peu plus technique aussi. Donc c'était vraiment, je pense, un bon succès qu'on a eu à chaque fois durant ces années, même si on n'a pas réussi à monter, mais on était quand même. J'en étais pas loin, d'ailleurs, des petites anecdotes et des petits souvenirs. Quand on finit deuxième lors d'une certaine année, derrière Alès, donc là on joue dans tout le Languedoc-Roussillon, donc contre Alès qui était le premier, puis on perd les 4-0 à la mi-temps. Puis tu mets une petite valise à Nanard, puis on gagne 5 à 4 à la fin du match, puis c'était toute une expérience et tout un souvenir incroyable. Comme à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens aussi, à Montpellier qui gagnait 4-0 à Marseille. Bernard Tapie était là. 5-4. Bernard Tapie était là. Bernard Tapie était là, coach Roland Courbis. Oui. Je me souviens comme c'était hier aussi. Montpellier gagne 4-0, puis à la fin du match, Marseille gagne 5-4. Ouais, je m'en souviens. Dans le même style. Puis, c'était toute une expérience, toute une anecdote et tout un souvenir intéressant. Il y a une question qui m'est souvent arrivée de poser à des entraîneurs qui ont un petit peu de vécu maintenant, je dirais au moins une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant, donc notamment sur ce parcours U15DH, que tu ne ferais plus maintenant parce que ta façon de voir le foot a changé, parce que ta façon d'entraîner a changé, parce que ta façon de parler ou de former les joueurs a changé? Ouais, c'est certain. Moi, je pense qu'on évolue à chaque fois. La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être l'aspect défensif, tu vois. Quand t'es plus jeune, quand j'étais avec des U15DH, ben, on mettait peut-être un peu trop de temps sur cet aspect-là, tu vois. Moi-même et avec le coach, mettre du temps sur l'aspect défensif. Ah, aujourd'hui, j'essaie d'en passer peut-être pas le moins de temps possible, mais je vais d'abord me consacrer sur l'aspect offensif, puis après au niveau de l'aspect défensif. Pourquoi ? Ça m'intéresse, parce que t'es pas le premier à me dire ça. Et Je le constate aussi dans ma façon de concevoir l'entraînement. Ça a évolué, la balance penche vers cette orientation-là. Parce qu'après, c'est au niveau de... Je pense qu'après, il faut cibler tes attentes et tes objectifs, là, un peu comme avant d'arriver à une certaine méthode de travail aussi. Mais pourquoi? Parce que le jeu, je dirais, offensif va t'apporter, à mon avis, bien plus d'aspects individuels, d'aspects tactiques et d'aspects, je dirais, plus réalité de match, tu vois, plus de réalité de match. Même si l'aspect défensif, c'est sûr, mais regarde, je te dirai cet aspect-là. Donc, après, je pense qu'il faut cibler, comme je dis, cibler tes attentes, cibler tes objectifs pour pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce que tu veux faire. Puis, pour moi, aujourd'hui, quand je cible certaines attentes et objectifs, les premiers objectifs qui te sortent, c'est des objectifs et des attentes offensives. Indéniablement, si tu veux marquer toujours un but de plus que l'adversaire, je pense que c'est en train des aspects offensifs que tu vas trouver une certaine capacité de pouvoir faire ça. Je valide. Ok, on a fait un peu la formation. Là, j'ai envie de faire la transition. Je pense pas que c'est là où j'ai envie de voler le plus de temps, parce que le temps est précieux. C'est aussi l'entraîneur qui voyage, parce qu'on parlait de voyageurs. T'as ta formation, t'as ton parcours en France. Je sais que tu as énormément vécu avant d'arriver au Canada. Peut-être la question qui me viendrait à l'esprit, ce serait comment, à travers tous ces voyages que tu peux nous raconter, certains si ça m'intéresse, à travers ces voyages, les différents voyages que tu as vécu entre la France et le Canada, comment tu as trouvé ton équilibre et presque limite dans la cohérence de ton parcours, comment tu en es arrivé à te diriger vers le Canada? Ouais, déjà, un entraîneur qui voyage automatiquement, c'est à mon avis, est-ce que c'est un entraîneur? Je pense que même une personne, hein, on dit un entraîneur, mais toute personne qui voyage, évidemment, va vivre et va grandir, à mon avis, plus rapidement, je pense, que les autres. Tous les voyages que nous faisons ou que j'ai fait nous permettent toujours d'apprendre, qui me permet toujours d'apprendre. Puis le fait d'avoir fait une quinzaine de pays en 5-6 ans, comme je disais tantôt, te permet vraiment de grandir et de pouvoir... Non, là, pour que ce soit clair pour ceux qui vont écouter, en espérant qu'il y en ait, évidemment, quand tu dis une quinzaine de voyages en 5 ans, donc là, à ce moment-là, tu es animateur, sans rentrer dans les détails, ou si tu le souhaites, t'es pas forcément entraîneur, mais t'es dans l'animation, t'es avec les jeunes ou les adultes, si je me souviens bien. Ouais, moi je suis dans l'animation avec les enfants. Moi je suis dans l'animation avec les enfants, je suis responsable d'animation dans les hôtels Club Nouvelle Frontière, un peu comme le Club Med. Puis c'est ça, puis c'est du Sénégal, Maroc, Guadeloupe, Martinique, Maroc, Tunisie, l'île Maurice, l'Espagne, la République Dominicaine. Ok, bon, le non-professionnalisme de ma présentation et de mes renseignements, mais je sais que j'avais eu écho de tout ça à un moment donné. Excuse-moi de t'avoir coupé, Anto. Non, je t'en prie. Donc, puis même là-dedans, t'as toujours un aspect, je dirais, parce que là, je suis toujours formé, donc t'as toujours. J'essaye dans certains endroits d'instaurer. Du foot, tu vois, dans les autres clubs. Dans les autres clubs, j'essaie d'instaurer du foot. J'essaie d'instaurer des petites capsules avec les jeunes ou même avec les adultes en soirée ou autre. Donc, tu as toujours une espèce de... Le foot, là, est toujours présent malgré tout. puis en République dominicaine, on a vraiment essayé d'instaurer quelque chose là avec les locaux aussi. Donc, sans me perdre un petit peu, donc ces voyages-là dans chaque pays, après à un moment donné, je pense que cela t'ouvre vraiment beaucoup plus de je dirais pas de liberté, non, je dirais liberté, pas de liberté, mais t'ouvre un peu plus l'esprit, tes pensées, les personnes que tu rencontres sur place, dans chaque pays, ou les personnes que j'ai rencontrées te font grandir en elles-mêmes, tu sais, des personnes qui t'invitent, les personnes qui t'invitent chez elles alors que tu les connais pas, les personnes avec qui tu discutes, les moments un petit peu aussi beaucoup plus difficiles où tu sors, t'es tout seul, puis t'es pas chez toi, puis t'es à deux doigts de te faire agresser. Beaucoup d'anecdotes et beaucoup de situations qui font que le voyage fait grandir automatiquement. Puis même là, si on revient au niveau des jeunes, je me souviens, on avait discuté aussi, beaucoup de jeunes qui ont voyagé ont une façon, je dirais une facilité plutôt de communication et d'intérêt que certains. Puis c'est entièrement compréhensible par rapport au fait que le fait de voyager, ça t'apporte tellement de choses. C'est pas évident, je suis d'accord avec toi, c'est pas évident de mettre des mots à quel point le voyage peut influencer ou peut faire évoluer la personne, pas complètement changer ou pas. L'évolution ne passe pas absolument par le voyage, mais c'est vrai que le voyage apporte certaines choses et même pour moi, il n'est pas évident de pointer du doigt exactement en quoi cela consiste, mais tu fais bien de le signaler parce que même moi, pour avoir entraîné quelques jeunes, il est assez notable de constater, pas facilement, mais de voir la différence entre un jeune qui a voyagé et un jeune qui n'a pas voyagé. Et c'est vrai que tu fais bien de le pointer, c'est dans cette notion d'ouverture et de curiosité. Et je me rappelle d'une anecdote une anecdote que je sors régulièrement. Maintenant, c'est notamment, je crois que l'année dernière, j'avais deux petits frères, un de 6 ans et un de 4 ans. Et c'est ça, en général, quand tu es avec des enfants, je dirais entre 4 et 6 ans, tu leur dis bonjour, ça va, puis ils te répondent pas forcément. Ils te disent bonjour et puis ils te manifestent un bonjour oral et puis ils s'en vont jouer. Et je me rappelle notamment de ces deux petits frères. À chaque fois que je leur disais bonjour, ils me disaient oui, ça va, et toi? Et ça m'avait marqué. Et effectivement, dans cette notion d'ouverture et de curiosité, et c'est après coup, après quelques discussions avec les enfants, avec les parents, que j'avais compris qu'à l'espace de... À l'âge de 4 ans et 6 ans, ils avaient déjà voyagé dans 4 pays parce que les parents étaient diplomates et avaient notamment, à l'âge de 6 ans, avaient voyagé dans 3 continents, dans 4 pays différents, 3 continents. Et c'était assez marquant. Donc c'est pour ça que je viens un peu étayer tes propos. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même pour revenir là-dessus, pour ma part, les voyages m'ont fait changer, en tout cas. Moi spécialement, les voyages font changer, à mon avis, je pense, les gens. Permet de voir autre chose. Tu sais, beaucoup de personnes restent dans leur ville, dans leur village, dans leur secteur, et ne voient pas aux alentours, et ils ne voient pas, je pense, à mon avis, plus loin que leur secteur, la différence de ceux qui voyagent. Puis pour moi, je dirais, tu disais peut-être que le voyage ne change pas spécialement, mais en tout cas pour ma part, le fait d'avoir voyagé m'a complètement changé. Tu fais référence à quoi, par exemple? Je fais pas référence à vraiment quelque chose en particulier, mais je dirais juste le fait de rencontrer des personnes, de rencontrer des gens, de rencontrer de nouvelles situations, de vivre des situations qu'on n'aurait pas vécu, que j'aurais pas vécu en restant par chez moi. Le fait de, à mon avis, d'apprendre toujours, d'apprendre ou d'être entraîné par des personnes qui sont bons dans certains sujets, où tu veux toi-même, toi aussi, un petit peu essayer de continuer ou d'être curieux, d'être curieux sur certains points des personnes que tu rencontres. Donc, tu en apprends tous les jours. Et pour moi, puis ça fait maintenant 8 ans que je suis au Canada, puis beaucoup de décisions que j'ai prises ici dans ma propre vie professionnelle m'ont permis encore une fois de m'améliorer, puis d'être encore plus ouvert et d'être toujours intéressé à vouloir apprendre ou à vouloir essayer de voir quelque chose de différent. Justement, avant de faire le lien direct avec le Canada, s'il y a une question qui me vient, c'est durant ces 5 années là où tu voyages dans 15 pays, on est d'accord que là, bon, tu as arrêté, une petite pause avec le foot, même si tu parlais d'intégrer le foot durant tes animations, parce que bah, c'est ton truc, c'est ta passion. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que à quel point cette expérience a pu marquer l'entraîneur? Est-ce que je peux me permettre de poser cette question, se dire dans cette période où tu as été animateur pendant 5 ans, est-ce que elle a modifié, elle a fait évoluer ou elle a fait progresser l'entraîneur? Moi, je pense qu'elle a fait évoluer automatiquement la personne. Mmh. Donc le fait que la personne, à mon avis, a été gagnante de ces voyages-là, ça fait automatiquement progresser l'entraîneur. Dans ta philosophie, dans ta pédagogie, dans tes méthodes, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de discuter, d'entreprendre certains sujets ou certaines discussions ou de gestion de groupe, par exemple, moi je pense que ça le fait automatiquement évoluer. Non, c'est certain. La personne, l'entraîneur en lui-même, m'a fait progresser. Mes voyages m'ont fait progresser. Alors, je voulais juste peut-être, parce que je reviens là, j'ai une petite précision. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai fait ça pendant 3 ans, pas pendant 5 ans. Ok. Juste apporter cette petite précision là. Ouais. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ça me paraissait long là. Non, podcast absolument pas professionnel. Non, c'est correct. Non, c'est moi. Je fais ça pendant 3 ans. Bon, tu fais ça animateur. De ce que je me souviens, tu rentres en France et puis il y a l'opportunité Canada. Donc forcément, ce qui m'intéresse, bah, c'est un peu comment t'en es arrivé là au Canada. Et un peu, même si peut-être la question que je peux me permettre de te poser, c'est que, bah, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi 8 ans au Canada? Ouais, bah, déjà, parce que on fait bien en même temps, mais je me souviens, ma première destination quand je suis parti à 23 ans ou 24 ans, c'était la République dominicaine. Et encore une fois, je me souviens comme si c'était hier. Je suis sur une plage paradisiaque en train de boire un coco loco, une piña colada dominicaine. Puis là, je me dis dans ma tête, ok, regarde, je finis, ça faisait un an que j'avais passé mon BE. Puis je m'étais dit, ok, let's go, je veux aller au Canada, je veux aller travailler au Canada, je veux aller vivre au Canada, puis je veux essayer de vivre, je veux essayer d'aller vivre avec le foot, je veux vivre du foot. Tu dis ça à quel moment? Tu dis ça à quel moment? Quand tu pars en République Dominicaine? Ouais. D'accord. Au début. Donc, peut-être au milieu de mon voyage, donc j'ai travaillé 6 mois en République Dominicaine. D'accord. Donc, peut-être à la moitié de mon voyage. 3 mois, tu vois, bah, bord de mer, là, je me souviens encore une fois, comme si c'était hier, là, et je me dis, non, je veux avoir cette opportunité-là d'aller au Canada et de travailler dans le foot si possible. Donc là, après, entre-temps, il s'est passé 2 ans et demi où j'ai fait encore 10 pays. Puis, mon dernier voyage était l'Andalousie, le sud de l'Espagne. Puis, je termine ça au mois de juin. Puis quand je rentre, je commence à envoyer des CV. Je commence à envoyer des CV dans toutes les associations du Québec. Quand je dis sont du Québec, je parle de l'Outaouais jusqu'à Québec. Là, je suis pas allé plus haut, mais tout ce qui est l'Outaouais, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et jusqu'à Québec. Donc j'envoie plusieurs CV. Il y en a deux, trois qui me répondent. Puis l'association de soccer, l'association régionale plutôt de soccer de l'Outaouais, qui me contacte, qui est intéressée. Je les rencontre en France à Albi, Monsieur Locatelli et avec Monsieur Richard Gravel. Donc là, il y a de là 8 ans, hein, bon, 8 ans. Ouais, il y a longtemps, là. Ouais, il y a 8 ans. Puis ça se passe bien. Puis clairement, ils me disent qu'ils ont quelqu'un d'autre, mais qu'ils ont des difficultés de papier et que si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec lui, ben, on ferait appel à mes services. Entre-temps, il y a la Société de soccer de Hull également qui me contacte, qui est ici aussi en Outaouais. Et donc, du coup, la saison régionale de soccer de l'Outaouais et de l'ASH, la saison de soccer de Hull, qui sont en lien ici, évidemment, bah, discutent. Donc, le Bruno Locatelli discute avec le directeur technique Anthony Ramel, comme quoi il m'a vu, comme quoi on a discuté. Il dit, ouais, ça a l'air d'un gars correct et intéressant. Donc, du coup, ben, moi, je discute avec le directeur technique de l'ASH, puis ça passe bien, puis on fait une offre d'emploi. Moi, je suis en jeune professionnel. Je fais une demande de jeune professionnel qui, à l'époque, était assez facile à faire et il y avait beaucoup de place. Là, on est bien dans le cadre du PVT, là, c'est ça, hein. Non, moi, je suis jeune professionnel. Je suis pas PVT, là. D'accord, ok. Je suis pas PVT. Il y avait PVT, jeune professionnel et étudiant. Moi, j'étais jeune professionnel parce que PVT, j'étais pris un peu trop tard, il me semble. Donc, j'étais allé dans jeune professionnel. Donc, en jeune professionnel, tu es affilié, tu es associé au club, tu ne peux travailler qu'avec lui, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Exactement. Puis, décembre 2011, j'arrive ici le 3 décembre. Ça va assez vite, hein, c'est ça? Ouais, ça va assez vite, ouais. Ouais. Ça va assez vite. Puis, 3 décembre 2011, je suis ici. Il s'en souvient. À quel moment tu. Entre le moment où tu fais tes premiers envois de CV et entre le moment où tu arrives, entre le 3 décembre 2011, là, il s'est écoulé combien de temps? 2 mois. Ah ouais, donc ça va extrêmement vite. Ouais, ça a été quand même assez rapide, quoi. C'est comme le mois de septembre, tu vois, j'envoie pas mal le mois de septembre. Ou un petit peu avant, je pense, mois d'août, parce que je crois que je rencontre à Albi comme fin août, début septembre, il me semble. Donc ouais, août, septembre, octobre, novembre, là, ça a été quand même assez rapide là. Puis pourquoi le Canada? Je sais pas si ça faisait partie d'une question. Pourquoi le Canada? Bah, les réponses vont découler, je pense, par la suite, parce qu'on va en parler un peu plus précisément. Mais c'est surtout qu'est-ce qui a fait la différence parmi tous tes voyages? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, on reste, on finit par parce que je suppose, par expérience, moi qui ai vécu un petit peu au Canada, que quand on arrive, même si on l'ambitionne, même si on l'imagine, on ne sait pas trop si on va rester au début dans un nouveau pays, c'est pas forcément évident de se dire, bah tiens, je vais faire un. Je vais... Au début, on se lance, on va se dire, oh, je vais faire 6 mois, peut-être 1 an, puis après on verra. Puis au bout de 2 ou 3, on se dit, ah ouais, quand même, ça fait 2-3 ans. Et à un moment donné, il y a quand même un certain palier. Qu'est-ce qui a fait que le Canada, c'est 8 ans finalement? Ouais. C'est une question, je dirais, difficile à répondre. Je ne sais pas si c'est difficile à répondre, mais en tout cas, déjà, moi, je suis venu ici parce que ça parlait français. Parce que ça parlait français, moi, mon anglais était assez compliqué à l'époque. Il est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais on va essayer de changer ça. Puis, le fait que le Canada mette les moyens humains et financiers par rapport au soccer a fait que je suis venu ici et que peut-être je suis encore ici peut-être à cause de ça. Moi quand je suis arrivé, la première chose qui m'avait choqué, c'est que je trouvais ça incroyable, c'est que dans des clubs que tu avais en France qui étaient en national par exemple, des clubs qui étaient en national ou qui étaient en dessous que du national, comme T4 ou T5, là, t'as, t'as quasiment une structure ici, t'avais quasiment une structure d'un club de Détroit, des quatre, quoi. T'avais sept gars qui avaient le brevet du coteur sportif premier degré. T'as quasiment plus d'un million de budget, durant ton année. Puis t'as 2000 membres avec des coachs et une organisation tellement incroyable. Moi, j'avais trouvé ça vraiment, quand je suis arrivé en France, des clubs où tu as autant de PE comme ça, je pense qu'ils sont... aujourd'hui, peut-être que ça doit sûrement être beaucoup plus courant, mais c'est des clubs qui sont quand même à un certain niveau. Je comprends, tu vois, à la comparaison d'ici où... t'es quand même dans l'apprentissage, dans le récréatif, t'es quand même dans le compétitif, mais avec autant de professionnels, je dirais, au niveau du coaching et des diplômes, c'est-à-dire t'as très peu de finalité, en fait, t'as beaucoup très peu de finalité où finalement, ben, t'as peu de jeunes qui réussissent. Ouais. Je comprends ce que tu veux en venir. Ouais, par rapport à l'investissement, par rapport à l'organisation, la structure, la qualité des formateurs. Pour autant, bah, les portes pour arriver à un certain niveau, que ce soit pour les joueurs, pour les joueuses, sont quand même assez limitées. Et puis les probabilités de pouvoir jouer à un très bon niveau, pour ne pas dire un excellent niveau, sont quand même très limités. Ouais. Mais bon, le fait d'être arrivé ici, en tout cas, t'es pour les moyens qui sont quand même mis en place. Puis ensuite, le fait d'être resté aussi. Déjà, un mois, je voulais visiter l'Amérique du Nord. C'était un secteur que je n'avais pas fait. Que je n'avais pas visité. Nous, les États-Unis et New York sont des endroits où on veut visiter, comme ici les Canadiens ou les Américains voient Paris et la Tour Eiffel comme la destination. Ben, nous, Français, en tout cas pour ma part, c'était les États-Unis, New York. Donc je me suis dit, ben, je vais en profiter. Puis moi qui revenais de faire beaucoup de pays, ben, je voulais visiter, je voulais profiter. Donc je me suis dit que le Canada est une bonne option. Tout en ayant mes diplômes dans le foot, et en plus cette association de soccer là me répond favorablement, ben, je me dis let's go, c'est parti. Puis même aujourd'hui je suis encore ici parce que il y a quand même beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus de facilités, beaucoup plus de la qualité de vie est beaucoup plus intéressante, ton pouvoir d'achat est beaucoup plus intéressant, le fait que tu as, je parle dans tous les sens là, au niveau d'investir dans de l'immobilier, dans ton pouvoir d'achat, comme je dis, par rapport à certaines activités, le fait de voyager encore, le fait de pouvoir faire deux ou trois voyages, de pouvoir aller au Costa Rica, de pouvoir aller en Californie, de pouvoir aller en Floride, de pouvoir aller à Washington. Aujourd'hui, je suis encore ici pour continuer à essayer de vivre du foot, tout en profitant de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Donc, le fait qu'on est ici aussi, bah, c'est la qualité de vie. La qualité de vie est quand même assez intéressante. Alors, après, jusqu'à quel prix? Parce que c'est sûr qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Mais aujourd'hui, je suis encore ici parce qu'il y a des petits projets, parce qu'il y a des possibilités, parce que je sens qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc, au fil du temps, mes situations dans des associations ici ont fait encore que j'ai changé de façon de voir, façon de voir les choses ont un petit peu changé aussi, moi, dans certaines situations que j'ai vécues dans des clubs, quand j'ai commencé à créer mon académie aussi, quelque chose qui a beaucoup changé, qui m'a fait beaucoup réfléchir, et j'ai eu beaucoup d'adversité là-dedans. On va y revenir, Anto. Justement, on va attaquer là. Mais c'est le lien qu'on va faire. Que tu me disais, ben, pourquoi 8 ans ici? Ben, justement, parce que il y a des opportunités, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire et qui me permettent aujourd'hui de continuer à espérer pouvoir faire quelque chose d'intéressant ici avec les jeunes. Du coup, avant d'enchaîner, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui me tient à cœur. À un moment donné, tu as dit let's go. Tu as dit je reviens en France, mon objectif c'est d'aller au Canada, let's go. À quel point, je le constate dans de nombreux parcours, de nombreux projets, quand tu es investi dans une vie, dans une routine, tu as ton logement, tu as ton emploi, tu as ton salaire, tu as les charges que tu as. Et puis à un moment donné, tu te dis bon, eh ben, stop, il faut partir. Est-ce que tu te souviens à quel point ça a été difficile, facile de se dire ok, je suis en France et puis allez, let's go, je vais faire une autre vie. Est-ce que tu te souviens, ça a été facile, compliqué, est-ce que... Oh, je m'en souviens, évidemment. Moi, je me dis que ça a été assez facile. Ben, je pense que ça a été assez facile. Je revenais de l'Espagne, quand je te disais, je revenais de 3 ans de voyage, donc je vivais pas en France. D'accord. Okay. Je vivais pas chez moi. Donc c'est ça, donc un coup en Espagne, un coup à l'île Maurice, un coup en République Dominicaine, puis des petits pays à droite à gauche ensuite. Quand je reviens en France, c'est comme il s'écoule 3 mois. Je suis dans une boîte d'intérim, je cherche un petit quelque chose. Je travaille à la pièce. Je suis chez mes parents. Puis moi, comme je te dis, là, dès que je suis revenu, peut-être un mois après, j'ai commencé à faire mon CV et à envoyer tout ça. Donc, ça a été quand même assez rapide. Quand je suis revenu, j'ai voulu que ça aille vite. Donc, j'ai mis tous les moyens pour pouvoir partir. Donc, après, d'accord, comme je dis, la facilité. Non, ça n'a pas été facile. La seule chose qui a été difficile pour moi, évidemment, c'est la famille, c'est quitter la famille. Ça a été ça le plus difficile. Quitter la famille, quitter tes parents, quitter ton frère, ta sœur, mon frère qui venait d'avoir des enfants. Donc, c'est sûr que... Ça l'est encore maintenant ? Ouais, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours difficile d'être loin de sa famille. De ne pas voir grandir tes neveux ou de ne pas pouvoir profiter de ta famille, de tes grands-parents. Malheureusement, la vie avance vite, puis à un moment donné, on va avoir des pertes et on a des pertes dans notre famille. Puis en étant loin, c'est pour moi encore plus difficile en étant loin. Moi, je suis venu tout seul ici. Je suis tout seul ici, donc t'as pas grand monde là. Donc quand on t'appelle pour te dire que telle ou telle personne a une tumeur ou tes grands-parents commencent à être avoir un peu une certaine démence ou que ta grand-mère est décédée, et en étant loin, ben, c'est sûr que c'est plus difficile. Même à aujourd'hui, c'était difficile quand je suis parti, puis c'est toujours même difficile à aujourd'hui. Alors je te dirais que ce qui est, avec le temps, après, ben, j'essaye de pouvoir en profiter un peu plus. Donc, comment? Ben, c'est en essayant de faire beaucoup plus de voyages. Ouais, tu reviens une fois par an, peut-être une fois tous les... Ouais, tu vois, cette année, c'est peut-être la première année où je vais essayer de voyager, voir ma famille comme 2 fois par an. Je vais essayer à partir de cette année. Tu vois, si je peux faire ça... mois de mars et à l'été, c'est quelque chose qui sera parfait. Maintenant, de nos jours, les voyages sont beaucoup plus... Ben, les transporteurs dans l'aviation là, sont beaucoup plus abordables. Ouais. Puis t'as des personnes, t'as des groupes de personnes là où justement t'as certaines aubaines au niveau de tarifs. Donc, ça te permet de payer moins cher. Mm-hmm. Donc, pour pouvoir en profiter, d'aller voir ta famille. Ouais. Abordons un peu le sujet. Maintenant, là, ce qui m'intéresse un peu, c'est qu'est-ce que tu fais actuellement ? C'est quoi tes différents projets, notamment dans le foot ? Et puis après, on va petit à petit arriver comment ça s'est créé, comment c'est venu l'idée, etc. Mais dans un premier temps, ouais, dis-moi un peu, partage-nous un peu, qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc c'est ça, donc là moi actuellement je travaille dans mon académie, dans mon académie de soccer, qu'on a créé avec Hakim Tebib, qui lui était une personne avec qui je travaillais dans l'association de soccer de Duvel. On a créé ça officiellement il y a 2 ans. Officiellement il y a 2 ans. Vraiment 2 ans là, on est en 2010, là on est en 2019, donc il y a 2 ans en 2017. Ouais, D'accord. officiellement. Après, on existait à travers le relais jeunes Gatinois, le relais des jeunes Gatinois qui était une structure sociale de secteur, maison de jeunes de secteur. Donc, on faisait ça à travers eux pendant une petite année, mais c'était pas très officiel. Puis, on n'avait pas tous les leviers et tous les moyens que je dirais qu'on a actuellement. Donc officiellement, comme je te dis, au niveau des papiers, au niveau de la loi, notre organisme à but non lucratif, notre OBNL, existe depuis 2 ans. Donc, responsable de cette académie-là, avec Hakim, petit à petit, on essaye de développer notre académie. On est par des objectifs, par des petits projets que nous mettons ensemble, que nous essayons de mettre en place. Puis surtout, actuellement, est-ce qui nous a fait, ben, pas ce qui nous a fait défaut, mais quelque chose qu'on voyait depuis un petit peu le début, c'est de s'équiper d'une équipe autour de nous, de s'équiper d'une équipe, d'avoir des personnes autour de nous et avec nous qui puissent nous faire avancer. D'accord. Donc là, si je peux me permettre, Anto, juste pour que, si jamais il y en a qui se posent la question, on est au Québec, dans l'Outaouais, donc proche d'Ottawa, dans la ville de Gatineau. On est dans une région de 300 000 habitants. Tu crées ton académie, c'est quand même quelque chose qui se fait un peu plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Vous êtes deux à lancer le projet. On est sur une OBLL, donc organisation à but non lucratif. Comment, là maintenant, j'avoue, là ça m'intéresse énormément. Comment vient cette idée? Comment vient cette idée? Et puis, peut-être, non, dans un premier temps, ce serait à quoi ça ressemble actuellement une académie, c'est-à-dire combien de membres, combien vous êtes de personnes à intervenir. Sachant que la seule chose que je peux dire pour l'instant, c'est que vous intervenez sur différents secteurs. Vous n'avez pas vraiment d'entité comme un club en France pour avoir avec je dirais un siège social, avec une buvette, avec un seul terrain. Donc ça, c'est ce que je peux dire. On est vraiment sur une académie. C'est quelque chose où vous intervenez sur différents secteurs parce que c'est pas évident, parce qu'il y a les conditions, le contexte à prendre en Amérique du Nord, au Canada, notamment avec différentes saisons, hein, que ce soit l'été, que ce soit l'automne. Mais notamment 2 grosses saisons, été et hiver. Mais c'est ça. Ma première question, ce serait quoi ça ressemble? Combien de membres? Combien de personnes qui interviennent à peu près? Puis si tu as d'autres idées, évidemment. Et puis après, c'est pour revenir, pourquoi la création de club? Et puis comment ça a démarré? Ouais, ben là actuellement, non, c'est bien que tu as précisé un petit peu tout ça, là, je l'avais pas fait. On a à peu près une centaine de jeunes aujourd'hui, on est une centaine de jeunes. D'accord. Été, automne, hiver, sur l'année à peu Là près? actuellement, en automne, tu vois, D'accord, pour en l'automne. automne 2019. Ouais. Tu parles pour l'automne 2019, on est 100 jeunes à peu près, De quel âge à approximativement quel 100 âge? jeunes, de 5 ans à 12 ans. D'accord, 5 ans à 12 ans. Ouais, de 5 à 12 ans, une centaine de jeunes. Peut-être un petit peu moins, mais pas loin. Et nous sommes quoi à peu près, je dirais, là pour je parle toujours pour l'automne, je dirais à peu près 6 personnes à intervenir, y compris moi et Hakim. Donc Uniquement 6 du personnes. terrain, des intervenants sur le terrain, ou tu parles de Moi l'équipe? je parle des terrains, moi je parle de terrain. D'accord. Moi je parle de terrain, 6 personnes de terrain qui qui interviennent, puis ensuite je te dirai à peu près une dizaine de personnes dans l'organisation. Ok, d'accord, donc c'est à peu près voilà, la structure, sachant que si je dis pas de bêtises, vous intervenez l'été sur un terrain, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, et l'hiver vous êtes sur différents gymnases parce que le football, ben, en hiver se pratique essentiellement à l'intérieur, en indoor, parce que nous sommes au Québec et qu'il y a un peu de neige en hiver. Non, c'est clair, c'est certain, on n'a pas le choix à l'hiver, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des structures qui se mettent en place, comme Branche-Aubrière, complexe Branche-Aubrière est un terrain synthétique aux normes foot à 11, c'est une grosse structure. Puis je pense que entièrement couverte, c'est ça, ouais. C'est ça, entièrement couvert, et qui nous permet de pouvoir faire comme si on était à l'extérieur. Donc ce genre de structure, je pense, va continuer à se développer, ce qui va être beaucoup plus intéressant. Pour les jeunes avant tout, évidemment, pour les jeunes avant tout, au niveau de leur propre progression, parce que c'est certain que, ensuite, quand je t'entraîne dans certains gymnases, au niveau de la profondeur, de la largeur, c'est difficile de pouvoir travailler, donc c'est certain que, aujourd'hui, l'hiver, on atteint à peu près le même nombre de personnes. Puis l'été, on espère encore une fois là augmenter notre membership. Donc on va viser peut-être un 150 jeunes à peu près. Entre 5 et 12 ans tout le temps ou peut-être plus grand? Ouais. Non, pour l'instant 5-12 ans. D'accord. Puis surtout là, on est dans une façon de voir les choses. On est en train de faire des secteurs. Donc on a créé cet automne deux secteurs. Attends, garde-nous ça un peu pour plus tard, Anto. Okay. Le rapport fille-garçon, ça représente quoi? Ouais, c'est un bon 90% garçon. D'un 90% garçon, quand même. Ok. Et dis-moi, alors on est en décembre 2017. Avec Hakim, vous collaborez depuis un petit moment. Tu as dit que vous interveniez avec le relais des jeunes Gatinois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que vous aviez un club, oui ou non? Est-ce que vous, en gros, si je me souviens bien, à Côtier, vous aviez différentes activités? Mais sur le projet Vision Soccer, ça a démarré avec le projet des relais, avec le relais des jeunes Gatinois. Comment vous avez commencé? Les premières activités que vous avez faites, les premiers projets que vous avez faits. Et puis après, comment est venue l'idée de créer justement de l'entité, l'OBNL, Vision Soccer? Ouais, donc là, nous. Hakim, j'ai plus trop souvenir où il est. Je pense qu'il est à Gatineau. Je pense qu'il est dans un club du secteur Gatineau. Moi, je suis avec le club de soccer d'Elmer, le secteur Elmer. La ville de Gatineau est coupée entre 4 ou 5 secteurs, là, pour ceux qui nous écouteront. D'accord. Et vous êtes donc actuellement, tous les deux, vous êtes en train de travailler dans deux clubs différents. C'est ça. D'accord. Un à l'est et l'un à l'ouest. Puis, ça nous intéresse. Les personnes qui sont en place, je dirais les objectifs, les attentes, la projection que les responsables mettent en place dans les associations nous intéresse pas plus que ça. Puis il y a pas mal de satisfaction, puis beaucoup de personnes, de jeunes et de parents qui viennent nous voir, qui nous demandent d'avoir des séances de plus de soccer. D'avoir des séances particulières, en fait, si tu veux. Donc, ils veulent des séances individuelles, des séances un à un, moi avec son garçon ou sa fille, pour travailler certains aspects de son jeu. Donc, tu as toujours des parents qui viennent nous voir comme ça pour en discuter. Puis, ça, c'est très nord-américain, hein, on est d'accord. Oui, évidemment. Hein. Ouais. Ouais, très, très nord-américain, beaucoup d'aspects individuels, beaucoup de, de, de, de se préoccuper un peu du parcours de son fils, de sa fille, de ne pas hésiter à payer pour avoir des séances supplémentaires, ne pas hésiter à payer pour avoir un coach individuel supplémentaire. Là, on est quelque chose qui est assez différent de la culture française, qui peut-être a changé un petit peu maintenant, mais de mes souvenirs, ça m'avait marqué ça aussi. Exactement, exactement. Tu as très bien résumé. Donc du coup, dans la continuité un petit peu des associations dans lesquelles on travaille, nous plaisent pas, ben on quitte les associations où ça se passe pas très bien avec et on nous met à la porte, puis on crée cette académie. On s'assoit tous les deux. Et on discute, puis on se dit ben, pourquoi pas. On se dit pourquoi pas. À Montréal, ça a commencé à être de plus en plus populaire. Ici, en Outaouais, il n'y avait aucune académie. Aucune académie. À Ottawa, il y en avait quelques-unes. Puis on se dit ok, c'est parti. Nous, ce qu'on veut en créant cette académie, c'est être différent. Être totalement différent afin de pouvoir offrir quelque chose de beaucoup plus individualisé aux jeunes. À la différence, je dirais, des clubs qui sont beaucoup plus, je dirais, basés sur le collectif et qui, à notre sens, oublie le joueur. Pas... Ouais, c'est ça. N'était pas, je dirais, attentif à l'évolution des jeunes, était plus attentif aux poches et à l'argent que chaque jeune générait. Ok, donc à ce moment-là, vous êtes deux, vous vous mettez d'accord, on est sur les relais jeunes nuggets de Tintinois ou vous êtes déjà sur Vision Soccer à ce moment-là? Bon, là, on crée Vision Soccer, mais on est avec le relais jeunes Gatinois. En fait, Vision Soccer était une branche. En fait, Vision Soccer est une branche du relais jeunes Gatinois. D'accord, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là avec, vous faisiez déjà des séances quand vous étiez avec la branche ou il y avait des... Oui, c'est ça. Donc là, nous, les premières choses qu'on a fait, c'est des séances particulières, des séances individuelles, ou non, je dirais des séances semi-privées, entre guillemets, donc c'est-à-dire 4-5 jeunes. D'accord, donc 4-5 jeunes, on est sur l'été, l'hiver, vous louez des... Là, on est sur l'automne. D'accord. Là, on est sur l'automne, donc on loue pas des gymnases, on utilise les gymnases, parler des chinois, afin de pouvoir... de pouvoir faire ces séances semi-privées, puis petit à petit, un petit peu de bouche à oreille, puis petit à petit, après, à l'hiver qui arrive, on loue l'espace, le complexe sportif Branche Ouvrière, qui est beaucoup plus grand. À partir de combien de membres? Je te dirais après une quinzaine. Ah, quand même, ok, d'accord. Okay. Ouais. Passer une quinzaine, puis après, au printemps, on met en place un programme de préparation, je dirais, d'excellence, entre guillemets, c'est-à-dire un programme de préparation au programme d'excellence de la région, donc c'est-à-dire sport-études, sélection régionale. C'est-à-dire que tous les jeunes qui souhaitaient s'inscrire au sport-études ou qui souhaitaient faire les évaluations de la sélection régionale ici de l'Outaouais, ben on les préparait. Donc là, on avait à peu près une dizaine de jeunes. Ça, c'était au printemps. Quelles sont les premières choses, justement, que vous mettez en place quand tu parles de préparation? Là, vous avez 4-5 jeunes, vous démarrez avec 4-5 jeunes, puis rapidement, au bout de 3-4 mois, vous avez une quinzaine de jeunes. Qu'est-ce qui... Pour répondre à ta question, la première chose, nous, dont on se préoccupe, c'est vraiment l'aspect individuel. Nous, ce qu'on veut, c'est l'aspect individuel, puis c'est l'aspect suivi. C'est-à-dire que dans nos séances semi-privées, on offre 10 séances. On offre 10 séances là, à l'automne. Puis vraiment, la première chose qu'on va mettre en place, c'est vraiment le suivi du joueur. Vraiment le suivi du joueur, puis vraiment le suivi individuel du joueur avec des exercices, puis avec une grille d'évaluation. Avec une méthode, je dirais, un peu plus individuelle, encore une fois, comme la méthode Corver, par exemple, où on est un peu plus basé sur cet aspect-là. Donc, c'est sûr que nous, les premières choses dont on se préoccupe, c'est vraiment cet aspect-là. Individuel, suivi du joueur, puis que notre joueur est vraiment le ballon a tout le temps dans les pieds, à la différence peut-être du club où ça va être plus collectif et l'aspect d'équipe va passer avant l'aspect individuel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grille d'évaluation ? Elle consiste en quoi ? Ouais, mais cette grille d'évaluation, c'est l'aspect technique, l'aspect mental, l'aspect physique. Donc, c'est ces trois points-là. Je pense que j'en oublie un. Je crois que j'en oublie un. Je dis quoi ? Technique, tactique, mental et physique, c'est ça, quatre. Mental et physique, quatre points. Donc, c'est des grilles avec certains. Chaque grille, chaque point est encore redéfini. Puis, on essaie de se tenir avec le parent et le jeune, de pouvoir faire un suivi à la fin de chaque séance et discuter un petit peu avec les parents et le jeune afin de l'amener là où on le souhaite. Donc, avec des notes et avec des acquis ou pas. D'accord. C'est vous qui évaluez, hein, c'est ça, hein. C'est pas le jeune qui s'auto-évalue, ouais. Ou... D'accord. Non. C'est nous qui avons notre... Donc à chaque fin de séance, petite évaluation, petit rapport avec les parents, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Surtout avec le jeune, là, moins peut-être avec le parent, mais avec le parent aussi de temps en temps, mais surtout avec le jeune. Ouais, surtout avec le jeune. D'accord. En quoi consistent ces premières séances ? Comment... le contenu des premières séances ? Le contenu en lui-même, nous, c'est des séances qu'on faisait d'une heure. Nous, c'était des séances qu'on faisait d'une heure. Donc, comme je te dis, c'était beaucoup de dribbles, beaucoup de vitesse, qualité du geste, la conduite de balle essentiellement. Donc, comme je t'ai dit, on s'appuie pas mal sur des fondements là, fondamentaux, comme je te dis, la qualité de passe. Beaucoup de mouvements avec la balle, donc tout ce qui est dribble, puis après un peu de vitesse sous forme de conduite de balle. Ce sont essentiellement plus ou moins les séances. Alors après, on varie nos exercices, évidemment, là. Mais c'est... Je crois que ces quatre, entre guillemets, fondements sont essentiellement de l'analytique, là, quand même. Pardon ? Essentiellement de l'analytique, il n'y a pas forcément de rapport d'opposition avec un adversaire ? C'est ça, essentiellement. On a beaucoup d'analytique. Étant donné qu'on est semi-privé, qu'on a 4-5 jeunes, c'est assez difficile de voir de l'opposition. Puis surtout, comme on disait là, nous, c'est vraiment l'aspect individuel. Donc, beaucoup d'analytique, oui. D'accord. Au bout de 10 séances, au bout de la première expérience, quels sont les premiers bilans que vous faites sur la façon dont vous entraînez et quels sont après les projets qui arrivent? Après, par rapport à ces séances semi-privées, il y en a quelques-uns ensuite qui nous demandent des séances privées, complètement privées. Puis au fur et à mesure, ça nous démontre finalement qu'on ne veut pas spécialement peut-être aller dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire de continuer dans du semi-privé ou dans du privé. Parce que on estime qu'à un moment donné, tu fais payer le jeune, puis tu fais payer le parent, puis le fait que le jeune, que le parent paye par rapport à l'envie de voir son jeune progresser, certains jeunes, peut-être à un moment donné, commencer à avoir, je dirais pas une certaine lassitude, mais quand tu commences en plus à faire des séances privées avec nous, puis que tu es au sport études, puis que tu es dans ton club, puis que tu fais des matchs, commence à faire beaucoup. Donc au fil du temps, on laisse semi-privé et privé, puis on se concentre un peu plus sur de la formation d'équipe, mais tout en restant sur une base individuelle. Ok. D'accord. Et là, à ce moment-là, Vision Soccer est créé, on est d'accord ? Vision Soccer est créé à ce moment-là. Ok. Comment vous y prenez ? Création de Vision Soccer, ça m'intéresse notamment. Quels sont les premiers réflexes que vous avez tout en continuant, c'est ça, d'entraîner les jeunes à préparer, mais on crée une académie, quels sont les impondérables qu'il faut absolument par les étapes impondérables qu'il faut absolument passer, par lesquelles il faut absolument passer? Non, c'est sûr que, pour faire une petite parenthèse, la création de cet organisme-là et de l'académie a été pour moi, je dirais, quelque chose d'intéressant et quelque chose où j'ai développé certains aspects, je dirais, de gestionnaire ou certains aspects peut-être que je n'aurais pas développé grâce à Vision Soccer. Alors, c'est pour ça que le fait d'avoir également créé cette académie a été pour moi personnellement quelque chose de très intéressant. Donc évidemment, donc après c'est beaucoup de papier administratif, c'est du papier administratif avec la régie, avec la création de conseils d'administration, avec du contact avec la CNSST, avec le gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, Revenu Québec, Revenu Canada aussi. Donc il y a beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, mais qui finalement, je dirais, est quand même assez facile. Après, nous, on est parti dans une OBNL pour pouvoir sauver de l'impôt, plus qu'un côté privé. Parce que ça, en quoi ça vous permet de sauver de l'impôt? Ben, parce que une OBNL, tu ne payes pas d'impôt à la fin, parce que tout l'argent que tu fais peut être réinvesti pour les jeunes, mais après, tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, à la différence d'un organisme privé qui, à la fin, ben, sur le montant qui te reste, ben, tu te le partages entre personnes responsables et tu payes de l'impôt là-dessus. D'accord. Donc, des difficultés sur justement au moment où vous créez le club, est-ce que vous avez des difficultés sur la partie administrative ou des personnes qui vous... Je pense que les problèmes arrivent un peu plus tard, parce que la création en elle-même de l'OBNL, ça a été comme assez rapide là, peut-être en 2-3 semaines là, l'organisation a été créée. Donc évidemment après il faut rédiger tes règlements généraux, donc tu crées des règlements généraux. Ça aussi ça n'a pas été mince à faire. Mais donc règlements généraux, conseil d'administration, assemblée générale, élection du conseil d'administration, assemblée générale annuelle, puis après tu as des... Donc là, comment ça se passe élection du conseil d'administration, vous êtes deux, c'est bien, si je dis pas de bêtises? Oui, donc on est deux. Déjà, un pour faire une OBNL et un conseil d'administration, il faut que tu sois un minimum de trois, un président, un secrétaire et un trésorier. Mais là, nous, étant donné que ça faisait déjà un an qu'on avait plus ou moins créé Vision Soccer, donc on avait déjà comme une espèce de 15-10 personnes déjà présentes comme membres, entre guillemets, donc on a invité aussi, puis il y a un parent qui est rentré avec nous dans le conseil d'administration, donc on était quatre. À la création, on est quatre. On est quatre dans le conseil d'administration. Puis comme je dis, ça c'est quand même assez facile. Bon, ben, c'est pas mal de papier administratif, mais ce que je veux dire après, c'est la suite des choses qui après pas compliqué, mais où t'as beaucoup de paperasse encore. Donc t'as ta comptabilité à faire, t'as ton bilan financier à faire, t'as ta déclaration d'impôt malgré tout, même si tu payes pas d'impôt, ta déclaration d'impôt, t'as des registres à signer, t'as des preuves chaque année t'as je sais pas comment on appelle ça une preuve de je sais plus bon c'est pas grave Anto, mais justement des recherches, mais l'administratif puis il faut pas que tu te loupes, il faut que t'envoies tout ça à Revenu Québec avant, parce que après t'as des pénalités donc le fait d'avoir des pénalités, les pénalités sont monétaires, donc évidemment tu peux éviter d'avoir certaines pénalités, mais c'est tout ça qui rentre en compte aussi. Puis après c'est les réunions de vos administrations, jamais de formation, t'avais pas fait de formation, est-ce que tu t'es fait aider, est-ce que tu t'es fait accompagner, est-ce que à un moment donné est-ce que c'était pas trop lourd pour vous aussi, ça n'a pas été décourageant? Bah, c'est sûr que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est encore une fois le fait d'avoir été avec le Réunion des jeunes gatinois. Monsieur Guylain Haute, qui est le DG de cette maison des jeunes, qui ça fait 25 ans, 30 ans qu'il est DG de cette organisation-là, lui connaît un petit peu tous les rouages. Donc, c'est-à-dire qu'il a été plus ou moins notre mentor dans la confection de cette biennale-là. Donc, c'est sûr que de l'avoir eu à nos côtés a été pour nous quelque chose aussi qui a été quand même aidant et facilitant. Donc, je te dirais que ça a été quand même. Je te dirais que ça a été, au niveau de la paperasse, de l'avoir son aide. Mais chaque année, c'est toujours un petit peu la même chose. Mais comme je disais tantôt, c'est essayer et avoir les bonnes personnes autour de toi. C'est tout simplement. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences un peu à te décourager, tu commences à avoir certaines difficultés. Puis ta motivation diminue un petit peu. Pourquoi ? Parce que justement, tu ne peux pas faire tout seul. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te poses des questions, puis certaines limites, tu te dis, regarde, est-ce que je vais lâcher ou pas ? Regarde, à un moment donné, ça te prend tellement de temps que tu ne peux pas faire tout seul. Donc, à un moment donné, c'est se remettre en question. C'est de savoir se remettre en question. Puis ça, c'est quelque chose qui a été, je dirais, pour moi et pour nous, quelque chose de très intéressant qui nous a permis énormément d'avancer aujourd'hui et de pouvoir être là où on en est aujourd'hui et de pouvoir plus progresser en l'espace d'un an, d'avoir eu comme peut-être de passer comme de 30 jeunes à une centaine de jeunes lors de l'été dernier. Donc tu vois, c'est comme un 250% de plus de ta clientèle. Alors c'est sûr que quand tu as seulement 30 jeunes, c'est beaucoup plus facile d'augmenter que de diminuer, évidemment, mais comme je dis, le fait de savoir à un moment donné dire stop et de demander de l'aide ou de savoir quoi faire pour pouvoir l'avoir, c'est sûr que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir encore exister. Puis actuellement, on est encore en train d'étoffer notre conseil d'administration parce que là aussi, tu en apprends un petit peu tous les jours, tu vois, mais avec des personnes qui sont différentes de toi. Dans la vie, il y a des visionnaires et des intégrateurs. Donc, les visionnaires, eux, c'est les personnes qui vont aimer moins la paperasse, puis les intégrateurs qui, eux, vont vraiment marcher de façon méthodique, sur papier, et suivre à la lettre. Puis, tu vois, aujourd'hui, il nous manque des intégrateurs, et on a créé un questionnaire, puis on crée des façons de faire afin de pouvoir, justement, s'entourer de ce genre de personnes-là. Puis, on a trouvé les personnes qui vont pouvoir nous aider afin de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a eu un moment donné où ça a été difficile, mais encore une fois, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, là, un petit peu comme je disais tantôt, là, dans la création de ces secteurs-là, mais on va revenir un petit peu encore après, plus tard, mais qui nous a permis d'avancer et de pouvoir souffler et de pouvoir évoluer. Parce que si on veut grandir à tous les deux, moi et Hakim, on n'ira pas bien loin. Moi, ça pourrait être... J'hésite même à en faire le titre du podcast, tu vois, de s'entourer, parce que au début, dans ton parcours de jeune, tu parles d'un mentor qui a eu un rôle important dans ta formation et dans ta progression. Là, on parle encore de bien s'entourer. On sait qu'on s'appelle de temps en temps, pour ne pas dire régulièrement, et on parle justement de bien s'entourer, de trouver de savoir vers qui se tourner pour obtenir des conseils, et puis c'est ça, d'être bien accompagné. Mais ce sera peut-être dans une question finale où je reviendrai. À un moment donné, c'est ça, on s'éloigne un peu parce que il faut créer le club. Donc, il y a une partie administrative qui est obligatoire. À un moment donné, comment, en termes foot, comment vous continuez malgré tout ? Parce que vous avez une vie professionnelle à côté, vous êtes investi dans la création de ce club, vous devez la créer de façon, réglementairement, juridique. Et comment on continue à s'investir dans le parcours foot pour ne pas oublier l'essentiel qui est la formation des jeunes ? Qui est la formation individuelle des jeunes, et comment vous continuez à vous investir dans ce domaine-là, et quels sont les projets ensuite que vous mettez en place pour bah, ouvrir à plus de membres et puis bah, comment vous vous organisez justement quand il y a plus de membres? Ouais, mais c'est toujours le fait aussi qu'on ait une académie. On a souffert des associations qui sont autour de nous par la simple notoriété que les personnes, les jeunes qui habitent le secteur vont aller automatiquement dans les clubs de leur propre secteur. Donc c'est sûr que pour nous ça a toujours été difficile, mais malgré tout on a quand même continué malgré les embûches. Et malgré, comme tu dis, l'aspect professionnel qui est aux alentours de nous, regarde, on a continué à s'investir, puis surtout comment on a décidé à progresser, ben, c'est à un moment donné, dans notre publicité, puis dans notre, je te dirais, sérieux, pas sérieux, je dis ben, sérieux, mais dans la mise en place d'une association, peut-être dans une académie plus sérieuse. Donc quand je dis plus sérieuse, c'est-à-dire, création de site internet, création de communication, création de contact et de communication directe avec les parents afin de pouvoir les faire venir par chez nous. Puis après c'est la mise en place de discussions et de communication avec les grosses instances qui sont par chez nous. Donc, je parle essentiellement des commissions scolaires. On a beaucoup entendu aussi que 100% des jeunes sont scolarisés. Donc, aujourd'hui, si tu veux essayer d'avoir beaucoup de jeunes, c'est faire de l'intervention dans des écoles. Donc, on a essayé de mettre tout ça en place, encore une fois, avec l'aide de plusieurs jeunes, malgré le temps qu'on avait. Puis après, c'est soit s'entourer des bonnes personnes qui vont te donner un coup de main, mais peut-être bénévolement ou parce qu'ils aiment ça, ou sinon c'est de payer des personnes qui vont pouvoir essayer de te faire avancer. Quand je dis payer des personnes, ben c'est ça, c'est payer une personne pour faire ton site internet, c'est payer une personne pour faire ton marketing, c'est payer une personne pour mettre en place des plans stratégiques pour pouvoir essayer de toucher encore plus de monde. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Et sur l'aspect foot, je sais que je pense t'avoir déjà posé la question, mais c'est important et je veux y revenir. Quand on a 5, 15 membres, 20 membres, l'aspect individuel est quand même plus facile à suivre que lorsqu'on a 30, 50, 100 membres. Comment on continue de se préoccuper de ça, qui semble l'essentiel pour toi, qui est l'essentiel pour moi? C'est le parcours du jeune, c'est sa progression, son évolution dans un cadre, dans un contexte où le foot n'est pas la chose la plus importante, bien qu'elle puisse l'être pour nous ou pour le jeune, mais on connaît les limites du parcours. Et puis que comment vous continuez à œuvrer dans ce sens-là? Et encore une fois, qu'est-ce que vous mettez en place à ce moment-là dans les séances? Comment vous concevez vos séances? Quels sont les points importants sur lesquels vous insistez? Oui, écoute, les points, encore une fois, qu'on insiste, je te dirais, c'est vraiment, encore une fois, unique. Surtout, je dirais moi, personnellement, Là où on essaye un peu de faire une certaine différence, c'est sur l'aspect mental. Beaucoup de points d'aspect mental, beaucoup de points de prise d'information. Toutes nos séances sont basées plus ou moins sur l'aspect mental et sur l'aspect c'est-à-dire technique. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, tu sais autant que moi que tout le monde sait faire une passe, tout le monde sait faire un tir, tout le monde sait faire un contrôle. Il faut que le jeune voit plus vite, prenne de meilleures décisions. Donc, c'est essayer de le mettre face à lui-même sur certains exercices d'aspect mental. Donc, c'est-à-dire avec un peu plus d'opposition à la comparaison qu'on faisait avant, avec ballon et sans ballon, pour essayer de le mettre dans une situation peut-être pas d'échec, mais dans une situation où il va falloir qu'ils réagissent plus vite. Une situation d'urgence. De match, d'un jeu basique que tout le monde, par exemple, qu'on connaît là, le comme une espèce de jeu des noms là, tu sais, le jeu des noms. Oui. Le jeu des noms où t'as pas de ballon, comme une espèce de tag où tu dois te toucher, mais tu dois dire le nom de ton prénom de ton partenaire avant de te toucher, sinon tu perds la balle. Puis après, c'est de mettre certaines variantes, puis c'est diminuer ton espace de plus en plus petit et de mettre encore des contraintes beaucoup plus difficiles. Et puis surtout, c'est nous, ce qu'on veut, c'est essayer de le faire de plus en plus jeune. Tu vois, essayer de le faire de plus en plus jeune. Alors après, à un moment donné, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je parle pas sur ce jeu-là, par exemple, là, ça va être plus d'initiation, mais donc c'est ça un petit peu qu'on essaye de mettre en place. Puis même, comme je dis là, chez les jeunes là, les U5, U6, on essaye de leur inculquer certaines notions plus individuelles, exercices peut-être un petit peu plus pas précaires, mais des notions qui vont être importantes pour plus tard. Comme lesquelles, par exemple? Quand tu protèges ta balle, protection de balle, d'accord, j'avais appelé ça initiation à la protection de balle. Ça m'intéresse beaucoup là, rentrons dans les détails. Ouais, je vais rentrer dans les détails. Mets-toi entre le ballon et l'adversaire. Tu vois, mets-toi entre le ballon et l'adversaire, puis utilise tes mains, utilise ton corps. Dès du 5 ou 6, tu vois, dès du 5 ou 6. Puis à un certain moment, je me disais, bah, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas difficile pour eux? Bah écoute, essaye-le, Anthony, Anto, puis tu verras si c'est facile et s'ils arrivent. Puis ils ont réussi, tu vois, ils ont réussi. Alors après, la tension, puis il faut que tu fasses attention que ce soit pas trop long, évidemment, parce que c'est petit, mais utilisation de la semelle, protège ton ballon, utilise ta main, pousse-le. Donc pareil, donc là, tu vois, là, bon, là j'ai passé un petit peu l'aspect mental, là. Mais sur cet aspect-là, dès du 5 ou 6, d'essayer de leur inculquer des choses un petit peu beaucoup plus tôt, tu vois. À quoi tu fais référence sur l'aspect mental? Ben, un peu comme je te disais tantôt, mais surtout moi, l'aspect mental, j'aime cet aspect mental-là, mais j'aime l'aspect mental. Mais quand je rentre rentre un peu plus dans le détail, un petit peu plus chez les vieux, puis toi tu l'as vécu aussi, c'est faire semblant, tu vois, faire semblant de sauter, faire semblant de faire une tête. Quand c'est un petit peu trop dur, je fais semblant. Quand c'est un petit peu trop dur, je demande un changement. Quand c'est un petit peu trop dur, j'essaye de ok, je vais m'asseoir, ça me fait mal. C'est des choses qui sont insupportables pour un coach. C'est des choses qui sont exportables pour un coach. Donc on essaie d'instaurer justement des aspects un peu plus, avec un peu plus d'adversité. Tu vois, je vais essayer de lui dire, ben vas-y, tire-lui le chandail. Tire-lui le dossard. C'est ça, tire le chandail, on va voir un petit peu sa réaction. Ok, continue là, regarde, à un moment donné, il va te faire mal, tu vas prendre sa main dans le visage. Ok, tu prends sa main dans le visage, ben, okay, lève-toi, puis c'est parti. Ou après, tout simplement, toi, tu as dû le vivre aussi chez les petits. C'est le petit, il tombe par terre, puis tout le monde le regarde, et puis les parents vont commencer à dire oh, ça va pas, machin. Puis il va se lever, il va pleurer, puis aller voir papa et maman. Non, c'est fini ça. Non, c'est à un moment donné. On discute avec les parents aussi, puis les parents, c'est nous qui nous occupons. Puis le gamin, s'il se fait mal, il va venir d'abord me voir à moi, puis on va garder, puis après il va se lever, puis il va retourner jouer. Mmh. Quand même, hop, là, allez, lève-toi, puis va jouer. Puis si vraiment tu veux voir maman, tu vas voir maman. Mais sauf que tu vas voir maman un petit 30 secondes, puis je reviens te chercher, puis tu vas jouer. Pas le temps de commencer à développer certains aspects qui vont après, plus tard, peut-être les mettre en difficulté, tu vois. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des trucs, comment dire, dans votre progression, dans votre progression individuelle, comment vous vous organisez? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'en U5, vous leur apprenez des choses spécifiques en U5 pour atteindre un certain niveau en U6? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes dit, OK, en U12, U13, il faut qu'ils aient à peu près ce niveau, donc en U11, on aimerait qu'ils aient à peu près ce niveau, donc il est indispensable qu'en U10, ils savent faire ça? Ou non, c'est à peu près le même programme pour toutes les catégories. Je sais pas, je me fais comprendre. Oui. On a un standard par chaque catégorie et on veut qu'à la fin de nos U5, U6, ils sachent certaines notions techniques, certaines notions tactiques pour pouvoir après entamer le U7, U8. Là, par exemple, si on devait rentrer un petit peu dans les détails brièvement, mais par exemple, si on devait décliner, je sais pas. Disons U8, U10, U12, quels sont un peu les incontournables qui te semblent essentiels en U8, ceux qui, sont qui te semblent incontournables en U10 et en U12? Ouais, mais pour là aujourd'hui, si on rentre un peu plus dans les détails, je vais prendre l'aspect tactique. On va prendre un peu plus l'aspect tactique dans par exemple un U8, U9 qui va devoir, à la fin de son 8-9, qui va devoir, je dirais, utiliser mieux son espace. Utiliser mieux son espace, c'est-à-dire, quand je dis utiliser mieux son espace, c'est quand mon partenaire a le ballon, ben, savoir où me placer. Donc, à la fin de mon 8-9, là, je veux qu'il sache, tactiquement, quand mon partenaire a le ballon, ben, savoir où me placer et lui laisser de l'espace. Mon U9, U10 ou mon U10, U11, il va devoir, je dirais, un peu plus connaître la profondeur et sa largeur. Je sais pas si je rentre un peu plus dans les détails là. Oui, tu peux rentrer un peu plus dans les détails, oui. Ouais, c'est OK avec toi. Parce que, de toute façon, la largeur... je dis largeur et profondeur, et la gestion de l'espace, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Plus on grandit, et même nos professionnels, même les équipes pro continuent de travailler sur cet aspect-là, parce que c'est tellement, tellement compliqué, puis on voit tout le temps nos jeunes être regroupés les uns sur les autres, puis il y a beaucoup de difficultés. Donc dans mon U9, U10, il va devoir, dans son espace, être un peu plus proche de la ligne de touche, puis va devoir un petit peu savoir se déplacer en bloc équipe. D'accord, donc on commence à parler un petit peu de bloc équipe, on commence à rentrer un peu plus dans les détails pour qu'ils connaissent un petit peu plus de certaines notions pour pouvoir après se libérer un petit peu plus tard. Puis après, lui, le U11, U12, ben c'est sûr que lui va devoir mieux se déplacer avec la transition, je dirais, offensive et défensive, dans du placement et déplacement, dans la largeur et de la profondeur. On va essayer de rentrer là-dedans au niveau de la transition défensive ou offensive. Quand je perds le ballon, ben, je vais un peu plus me resserrer. Je vais me resserrer, puis quand j'ai le ballon, ben cette transition-là, hop, je vais essayer d'utiliser un petit peu mieux mon espace et ma profondeur. Je ne sais pas si... Si, parfait. Ouais, est-ce que dans vos entraînements, par exemple, il y a une philosophie d'académie, une philosophie de vision soccer? Est-ce que dans ce principe-là, vous avez aussi des routines de gestion de groupe, des routines d'entraînement que vous intégrez dans vos séances ou dans votre programmation? Bah, je dirais une philosophie, oui, évidemment, on a une philosophie, Surtout, c'est que ce qu'on va essayer de mettre en place dans chaque séance là, ou du moins notre façon de laisser paraître, c'est beaucoup pas mal de laisser la responsabilité aux jeunes. On va essayer de laisser la responsabilité aux jeunes. Aux enfants. Puis surtout, on va. Ouais. D'accord. Ouais. Puis après, ça va être essayer de leur laisser, mais pas de l'obtenir, de leur laisser de trouver une certaine confiance en eux. Tu vois, on veut qu'ils aient confiance en eux. On veut qu'ils aient confiance en eux. Donc, on va essayer de leur inculquer cette confiance-là. Beaucoup de jeunes, je suis pas capable. Je veux pas. Ça rentre encore un peu dans l'aspect mental. Là, tu sais, confiance en soi. On rentre un peu encore dans l'aspect mental. Je suis pas capable. J'arrive pas. Je veux pas. Donc, du coup, je vais m'asseoir. Donc, on va essayer de justement mettre en place un peu plus de réussite afin qu'ils aient un peu plus de confiance en eux. Et comment on matérialise ça dans des routines, dans la gestion de groupe? Est-ce que tu as des exemples en particulier? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, quand vous planifiez vos séances, vous vous dites « Ok, aujourd'hui, on fait cet exercice-là pour que ça ait cet impact-là » ou par exemple? Mais là, dans ta routine, là, si tu peux me... Qu'est-ce que tu veux dire dans routine, là? Si tu veux dire routine de séance, routine d'exercice, routine de... Ouais, par exemple. Est-ce que, par exemple, je sais pas, à chaque début de séance, vous faites... je sais pas, tous les lundis, quand on fait la séance, on commence par cet échauffement-là ou c'est ce jeu-là. À chaque début d'exercice, bah, par exemple, je sais pas, on a l'obligation de faire ça. Par exemple, dans les échauffements, par exemple, de temps en temps, on a pas mal l'habitude, ou du moins moi j'ai pas mal l'habitude de faire du jeu à 3, par exemple, du jeu à 2 ou à 3. D'accord. Puis après, on continue par un petit échauffement sous forme de taureau. On continue un petit peu sous forme de taureau, donc ça c'est une habitude que j'ai pas mal. Pourquoi? Parce que c'est des exercices qui vont être intéressants, qui vont travailler pas mal, beaucoup de choses, ta passe, ton contrôle, ton déplacement, tes jeux dans les intervalles, beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans. Puis après, on fait nos petits exercices, je dirais, habituels. Après, on essaye de, dans notre planification, toujours d'avoir, par exemple, moi, ma séance, de l'avoir toujours en tête et sur papier, ça c'est ma petite routine personnelle, puis de pouvoir que ma séance après soit en place pour éviter de perdre du temps. Donc c'est une mise en place de source de ballon, d'essayer de gagner du temps sur ces points-là, de pouvoir ensuite enchaîner sur mes prochains exercices sans perdre trop de temps, que mon terrain et que les affaires des jeunes ou autres, par exemple, soient bien mises en place et que ce soit pas le bordel, entre guillemets. Donc, cette petite routine-là, après, sur le terrain, on va toujours essayer de mettre en place, toujours essayer de garder cet aspect mental-là dans mes exercices. D'accord. J'aurais, forcément, Anto, j'aurais envie de rentrer encore dans les détails, mais là, je vois que ça fait quand même déjà plus d'1h40, donc à un moment donné, on va quand même pas de voler trop de temps non plus. On va s'approcher tranquillement de la fin. Il y a peut-être, à moins que tu voulais aborder certains sujets qui te viennent en tête, avec tout ce qu'on a abordé, il me reste deux petites questions, évidemment qui peuvent être longues, mais il me reste deux questions à aborder. La première, ce serait où est-ce que vous en êtes actuellement en termes de par rapport éventuellement à où est-ce que vous en êtes, quels sont les projets en place par rapport à ce que vous avez envisagé, et ce qui se passe réellement, et éventuellement par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en place prochainement. Ouais, comme je disais un petit peu tantôt, nous, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est un projet de secteur. On est beaucoup là-dessus, puis on est certain d'aller dans la bonne direction. Projet de secteur, ce serait si pour je clarifie un peu, c'est là vous êtes une académie dans une grosse région et en gros c'est dans différents secteurs de la ville, d'une grosse ville, de pouvoir avoir un lieu d'intervention où des joueurs vont pouvoir plus proche de chez eux pouvoir venir s'entraîner. Oui, c'est ça, D'accord. j'allais rentrer dans les détails là. D'accord. Mais non, c'est ça. J'allais prendre l'exemple des parents qui terminent de travailler ici à 3h30, 4h, puis qui courent à droite à gauche pour récupérer les enfants, puis pour les faire souper, puis ensuite tu les amènes à ta pratique. Puis certains sont obligés ici, on est dans une ville pour situer les gens qui écoutent. Qui est très grande là, puis on n'a pas de. Il n'y a pas comme chez nous là, tantôt on disait qu'on allait. J'allais dans mon club de soccer à pied qui habitait à côté ici. Oublie ça là, tu peux pas aller à pied dans ton pour aller jouer au soccer là à côté de chez toi là. Non, non, c'est ton père qui t'amène, c'est ta mère qui t'amène après toute sa journée de travail. Donc nous on a voulu mettre en place ces secteurs là. On a voulu mettre en place des secteurs pour justement faciliter le temps des familles, faciliter le temps aux parents afin de pouvoir leur offrir quelque chose de proximité. Puis en étant seulement dans deux secteurs de la ville de Gatineau, en faisant de la publicité que quelques écoles qui sont proches de ces secteurs-là, ça te permet d'avoir une centaine de jeunes. Donc, tout ça grâce à cette proximité-là. Donc, nous, on est vraiment là-dessus actuellement, d'essayer de continuer à faire nos publicités, nos marketing sur la proximité, afin d'offrir quelque chose d'intéressant aux jeunes et afin d'offrir aux parents la possibilité d'éviter de courir. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui ne jouent pas ou des parents qui ne veulent pas inscrire leurs jeunes parce que tu as plusieurs activités. Les parents qui ont deux, trois enfants, tu as la natation, tu as la danse, tu as le soccer. Comment tu fais pour t'organiser? Donc, on a décidé de mettre en place des projets de secteur. Donc aujourd'hui, on a deux secteurs. On aimerait en ouvrir un troisième qui nous permettra par la suite de pouvoir faire notre propre compétition. Tu vois, là, on fait plusieurs matchs entre le secteur, entre nos deux secteurs, par exemple en 9 U10. Tu vois, 9 U10, on fait des matchs. Donc chacun a sa propre couleur de chandail de Vision Soccer. Puis le secteur de Quinteley joue contre le secteur du centre sportif, ce qui permet de créer notre propre compétition, puis de faire des matchs. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, de mettre de l'énergie sur ce secteur-là, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce que beaucoup de clubs ont énormément de jeunes. C'est pas comme en France. En France, ton club, moi, mon club, on avait été quoi? On était 400, on était 350. Ici, les associations ont 2500 membres. 2500 membres, 1800 membres, 2000 membres, puis il n'y a que 4 clubs. À Montpellier, il y a 25, 30 clubs à peu près. Je sais pas par chez toi, là, dans le secteur où tu étais, Tom, mais. Ouais, il y avait Ouais, c'est la même sûrement chose dans un petit une district vingtaine, nous. Ouais, non, c'est vingtaine, ça. trentaine de clubs, Bah, de la 30 000 proximité. Seine-Saint-Denis, 35 000 licenciés. Seulement, non, mais c'est ça. Ouais, 35 000 licenciés. C'est quand tu te dis que c'est minimum, c'est entre 600, allez, on va dire entre 400 et 800 membres par club. Donc ça donne au moins une quarantaine de clubs à peu près, ouais, dans un petit département comme la Seine-Saint-Denis. Tu vois, ici, t'as 10 000 membres qui sont répartis sur 5 clubs, quoi. Répartis sur 5 clubs. Donc, du coup, il y a cette difficulté-là pour certains parents. Donc, nous, on a créé aussi cette académie-là pour pouvoir offrir quelque chose de différent. Quand t'as 2 500 membres ou 2 000 membres, ben, beaucoup plus difficile d'offrir un service à tout le monde. Puis, tu ne peux pas. Comment tu veux? 2 000 membres, il te faut quasiment 80 coachs. Comment es-tu capable de trouver 80 coachs compétents? C'est tellement difficile. Donc, pour revenir à notre projet de secteur, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place actuellement. Ça, c'est vraiment le Ça rentre projet. pas trop en conflit avec les clubs, justement? Tu sais, quand on a pris une centaine de jeunes, au début, les clubs, je dirais, t'es réticent à notre venue, mais aujourd'hui, je pense qu'ils font plus attention à nous. Je pense qu'ils font plus attention à nous parce qu'il y a de la place pour tout le monde et parce que je pense qu'ils ont d'autres chartés qu'une centaine de jeunes, tu vois. Puis même, je te dirais, au contraire, je pense que certains clubs doivent être contents que nous puissions offrir certaines proximités parce que nous, à un certain moment, pour du U12, on n'offre plus rien au-dessus. Donc, ces jeunes-là, à un moment donné, automatiquement, ils vont retourner dans les clubs. Donc, toi, tu formes certains jeunes qui vont ensuite aller dans des clubs. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ces jeunes-là, les clubs vont les récupérer. Puis, si tu as déjà 2000 membres, et tu n'es pas capable d'offrir du service à tout le monde, et qu'une petite structure comme nous puisse pouvoir le faire différemment et un peu plus individualisé, pour moi, tout le monde est gagnant. Mais après, est-ce que tout le monde le voit de la même façon ? C'est quelque chose qui est différent. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais qu'est-ce qui a fait que vous entraînez pas de joueurs après U12 ? Parce que évidemment, c'est, après les U12, c'est là où il y a un petit peu moins de clientèle. Et surtout, c'est que nous, en étant une académie, on ne propose pas essentiellement, on propose pas de ligue, on propose pas de championnat. D'accord. Donc c'est sûr que c'est difficile de pouvoir à un moment donné progresser sans réelle compétition et adversité face à d'autres équipes. Donc c'est pour cette raison-là qu'on s'est arrêté là. Puis ensuite, si les jeunes veulent faire partie de la sélection régionale ou du sport études, il faut que tu sois affilié à un club. Donc, au Québec, les académies ne sont pas encore affiliées, puis elles ne seront pas prêtes encore, aujourd'hui, 13 décembre 2019, ne sont pas prêtes encore à être affiliées. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, tout simplement la raison. Puis, en plus, le 5-12 ans, au niveau de la proximité des secteurs, ça sera la tranche d'âge qu'on touchera le plus. D'accord. Donc, merci Anto. Du coup, je me permets de rejoindre ma dernière question. Ce serait, on a parlé, j'en avais parlé durant le podcast que j'allais justement arriver à cette question. On a parlé de nombreuses rencontres, on a parlé de quelques repères qui t'ont permis à toi de tracer le chemin que tu es en train de mener. On a parlé de certains modèles. Justement, est-ce que tu serais capable, durant ton parcours, de partager certaines rencontres, certains modèles, qui sont-ils et quels impacts ils ont pu avoir sur toi et sur ton parcours ? Ouais, les personnes un petit peu que j'ai rencontrées, c'est ça ? Est-ce que tu serais capable de citer, de partager, durant ton parcours il y a eu un modèle ou deux modèles que tu as eu, à quel point ils ont pu être importants, comment ils ont pu l'être, c'est ça. Ouais, après, est-ce que j'ai vraiment eu des modèles? Oui. Est-ce que j'en ai eu beaucoup? Je te dirais peut-être pas tant que ça. Moi, je pense que c'est plus les situations qui m'ont fait un petit peu réfléchir. Et je te dirais que pour moi, il y a deux personnes essentielles aujourd'hui. Une personne qui a été pour moi intéressante et qui m'a fait énormément progresser, c'est mon responsable d'animation lors de mon premier voyage, Colin, qui d'ailleurs, qu'il s'appelait malheureusement, il est mort un petit peu trop jeune en Thaïlande, lui d'ailleurs, accident de scooter, mais bon, une personne qui a vraiment donné confiance, tu vois, donné confiance. Personne qui savait faire de la gestion de groupe et qui savait mener. Puis ça, c'était quelque chose, c'est quelque chose qui est assez important. Puis de le voir faire en République dominicaine lors de mon premier voyage, lors de mon premier séjour et lors de mon premier, voyage où j'ai quitté la France, vraiment là, où je quittais tout. t'avais tout laissé, bah, tu te retrouves avec une personne qui, justement, est compétente et qui est incroyable et qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui t'explique et qui partage. Pour moi, ça a été une personne vraiment très intéressante et qui même aujourd'hui, pense souvent à lui. Je sais pas si, bon, si c'est correct avec ça, là. Tu vois, est-ce que tu veux rentrer sur... Ah non, j'ai aucune attente à Anthony. Hein. J'ai aucune attente. Je pose des questions. C'est parfait. C'est parfait. Je vais dire une personne aussi. Hein. Je vais dire une deuxième personne qui, pour moi, où j'ai beaucoup appris aussi, c'est Guylain Haute, qui est toujours d'ailleurs directeur général du Relais des Jeunes Gatinois. À chaque fois que j'ai une question, à chaque fois que j'ai un problème ou quelque chose, il a toujours été là, il est toujours là. Comme vraiment un mentor pour moi. S'il y a vraiment une personne où je peux dire qui aura été mon mentor, là, c'est bien lui. C'est bien lui parce que quelqu'un de tout le temps ouvert, quelqu'un qui a toujours du temps pour les autres, quelqu'un qui est toujours prêt à aider et à essayer de trouver des solutions pour toi. Donc, regarde, t'es... Ça a été, puis c'est toujours pour moi une personne sur qui je peux m'appuyer. Puis, si chacun d'entre nous peut avoir des personnes dans ce sens-là, on avancerait énormément et on avancerait plus vite qu'on ne le pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pose cette question parce que on en avait déjà discuté. Je trouve justement dans mon parcours, je suis pour tout le temps, mais non, c'est pas vrai, mais régulièrement, pour ne pas dire constamment, à la recherche de mentors, de ces personnes, ces guides qui ont déjà sur lesquels en fait je marche sur les mêmes traces qu'eux, mais sans le savoir, et qui finalement en l'espace de quelques conseils ou peut-être quelques conversations ou de partager quelques moments, c'est ça, permettre de mettre le pied à l'étrier ou d'accompagner ou de guider en donnant quelques humbles conseils, permettre de gagner énormément de temps ou de permettre de changer un peu, de nous offrir un autre angle de vue pour avoir un autre regard sur soit une situation, soit une opportunité, soit un objectif, soit... Donc, d'où l'intérêt que j'ai à poser la question, et parce que je pense que, ouais, sans le savoir, on a tous plus ou moins eu certaines 2, 3, 4 personnes dans notre vie qui nous ont permis un peu de nous. Qui nous ont permis un peu d'être là où on en est. Indéniablement. Ouais. Donc, c'était ça un peu ma question, la dernière. Merci, Anto. Ça fait plus de 2 heures, c'est un luxe, je sais à quel point le temps de chacun, et notamment le temps de chacun est précieux, mais je sais le tien parce que je sais que tu es très très très occupé. Merci parce que ça fait un petit moment que je te relance et que tu as généreusement offert de ton temps et tu as généreusement partagé ton vécu et je... Déjà, d'une, moi, ça va me permettre de réécouter ce podcast, ça va me permettre de réécouter ce dont on a partagé. Et j'espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre. Écoute, c'est le but du jeu, puis regarde, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience, de discuter, puis... C'est ça. J'ai envie de... Forcément, on reste proche, on a souvent de nos nouvelles, et puis... le mieux que je peux te souhaiter, c'est ça, que les projets avancent, notamment pour ton académie, pour les différents projets que t'as en cours, et notamment ce projet de secteur, je sais qu'il est extrêmement lourd et fastidieux. C'est ça, j'espère pouvoir avoir l'occasion d'avoir des nouvelles régulièrement. Non, tu sais très bien que des nouvelles t'en auras là, puis... Je vais le petit vol d'Alexis quand il y a un petit Séoul là, hop, let's go, on achète ça, c'est parti. Ah ouais, on va parler le coréen. C'est ça. Ok, parfait. Encore merci Anto, et puis c'est ça. S'il y a des... Je me demandais, là, je me permets, peut-être que je couperai ce morceau, on verra, en fonction de... Parce que toi, je ne t'y avais pas préparé, mais s'il y a des personnes qui sont curieux de ton parcours ou qui souhaitent entrer en contact avec toi ou qui souhaiteraient te poser des questions, est-ce que s'il y avait moyen de te joindre, est-ce que... comment on peut te trouver? Comment on peut te contacter? Ouais, écoute, l'idéal aujourd'hui, bien évidemment, si des personnes veulent me contacter, ça sera avec grand plaisir de pouvoir discuter avec peu importe qui le voudra. D'aller sur notre site internet visionsoccer.ca, donc visionsoccer.ca, dans l'onglet message, puis m'envoie un petit courriel. Puis il me fera un plaisir de d'y répondre. Est-ce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui? Oui, ou sinon, sur mon adresse courriel delion.anthony@gmail.com. Directement par courriel, évidemment, c'est le plus facile. Par courriel, mais sans aucun problème là. Sur notre site Parfait. internet, un message ou sur mon courriel personnel. Parfait. On peut pas plus faire, on peut pas faire plus transparent que ça. Je te remercie. Une nouvelle fois, ça bafouille un petit peu à la conclusion. Je vais essayer de m'améliorer cette fois-ci. J'espère que durant cet échange qui est un peu plus long, vous aurez pu avoir l'occasion d'apprivoiser un peu votre curiosité, même éventuellement que cela aura pu vous inspirer, comme ça a pu être le cas pour moi. Encore merci à Monsieur Delion pour ce temps précieux que nous avons pu partager. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des remarques ou qui ont l'intention de le faire, qui vont me permettre de m'améliorer pour les prochains épisodes. D'ailleurs, pour ce prochain épisode, je vous donne rendez-vous en Océanie, plus particulièrement en Australie. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.